Merci Alexis et merci Elena et Françoise de m'avoir invité. Moi donc je m'appelle Guillaume Vado et puis j'ai fait ma thèse aussi, également à Paris, je viens de la terminer. Et ma thèse elle porte sur les grandes plantations au Cameroun, les plantations industrielles de canne à sucre, d'EVA, d'huile de palme, enfin de palmier à huile. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été amené de plus en plus à m'intéresser au travail, donc aussi bien aux ouvrières et ouvriers, qu'au travail comme activité et au travail comme mode de socialisation aussi. Et ensuite à me poser, puisque je suis politiste, les questions politiques à partir de là, notamment celle de comment l'État camerounais se co-construit avec ces espaces-là. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je voulais souligner pour commencer, c'est que mon intérêt pour le travail, moi je ne suis pas historien, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup d'historiennes et d'historiens dans la salle, mon intérêt pour le travail, à moi, il vient un peu d'une frustration en tant que politiste travaillant sur l'Afrique, en me rendant compte que c'est une thématique qui a été assez laissée de côté par les études du politique en Afrique telles qu'elles se sont développées dans les 25-30 dernières années. Je vais d'ailleurs essayer de revenir un petit peu sur cette chronologie-là, même si c'est, enfin, en soi, ça demande une réflexion en tant que telle sur pourquoi est-ce qu'on a une conception du politique qui accorde assez peu d'importance à cette activité quotidienne centrale dans la vie de tous les jours et dans les rapports sociaux qu'est le travail sur le continent africain. Donc, je commence très rapidement par vous présenter ce que je compte faire. Et ensuite, je vous annonce le plan que je vais suivre, hein, tout simplement. Donc, la question d'abord, c'est de quel, enfin, j'avais appelé ça ouvrier-ouvrière d'Afrique. Il y a une particularité de ce terme ouvrier-ouvrière, puisque en fait, il existe en langue française, mais dans tout un tas d'autres langues, on parle de travailleur. Et donc, je l'avais choisi à dessein, à la fois parce que ça fait référence à une notion, mais aussi à une littérature qui est datée, mais qui, en même temps, à mon avis, est trop conçue comme datée. Mais aussi, je l'avais utilisé parce que je voulais en particulier vous parler des travailleurs et des travailleuses salariés. Avec une conception des choses, bon, c'est parce que finalement, par rapport à ce qu'ont introduit Alexis, Elena et Françoise, moi, j'opère un petit déplacement, c'est que je vais vous faire un aperçu de l'ensemble du travail dans la littérature, du travail comme activité et des travailleurs. Donc un peu en amont, ou en tout cas pas tout à fait focalisé de la même manière que si j'avais fait ça pour le syndicalisme. Le syndicalisme, je le vois comme une partie de ce que je vous présente. En même temps, je ne suis pas focalisé là-dedans, puisque je n'en suis pas spécialiste. Et puis, ça, mine de rien, il y a quand même des itinéraires dans la bibliographie qui sont un peu parallèles, hein, ça, faut le dire. Bon, donc de quel travail et de quel travailleur parle-t-on et travailleuse parle-t-on ? Des salariés, mais avec ce que je vous propose comme grille de lecture, c'est de considérer le travail salarié comme quelque chose qui ne segmente pas de manière absolue les sociétés dans lesquelles on est en train de l'étudier, si tant est qu'il segmente de manière absolue dans les sociétés comme la nôtre en France, parce que c'est pas sûr non plus. En tout cas, la plupart des travaux aujourd'hui s'entendent un peu sur l'idée qu'il y a un enchâssement entre le travail salarié et les en dehors du salariat. Donc c'est cette vision que je vous propose. Bon, deuxième point introductif, je voulais vous dire que, à mon avis, il serait dommageable de sous-estimer le poids qu'a eu cette forme de travail, travail salarié ou travail mobilisé, y compris de force, parce que vous savez que la différence entre travail forcé et travail libre dans les années dont je vais vous parler, les années 30, 40, 50, elle est assez floue. Il y a vraiment un continuum de situations, et même après les diverses formes d'abolition du travail forcé, on a des formes de mobilisation du travail qui sont contraintes. Néanmoins, elles le sont. Ce qu'il y a de spécifique, c'est qu'elles le sont, par exemple, pour des grands chantiers, des grandes entreprises, peu à peu, en forgeant par la jurisprudence, puis par des lois importantes, un droit du travail, et avec des institutions qui s'y dédient. Par exemple, l'OIT, cette année, fête ses 100 ans, c'est-à-dire qu'elle a été fondée en 1919, au moment où se développait la Société des Nations. Et en fait, l'OIT, elle a de très très longue date observé les questions de travail dans les colonies africaines. Et donc là, il y avait quelqu'un qui bosse sur l'inspection du travail, je crois que c'est vous. Bon, à ce moment-là, dès l'entre-deux-guerres, en fait, ça commence à devenir un problème public. Donc c'est de ce travail-là dont je parle. Le travail qui devient aussi un problème public, notamment à travers la question lancinante du recrutement. Parce qu'on a toute une série d'employeurs, privés ou publics, qui manquent systématiquement de bras et qui cherchent des stratagèmes pour trouver du monde, quoi. Donc voilà ce dont je vais parler. C'est aussi, cette petite présentation, c'est aussi une invitation à réfléchir au travail comme objet, mais aussi à la construction de cet objet. C'est-à-dire Quelque chose où on a deux regards, on a nos deux yeux, mais on va essayer d'en avoir un troisième un peu perché au-dessus, de savoir à la fois comment la réalité sociale a évolué, mais quelle est la suite de regards qui ont été portés peu à peu sur cette réalité sociale, parce que vous verrez que, bon, c'est pas le seul objet scientifique, hein, mais il est intéressant pour les objets scientifiques de se demander pourquoi à un moment donné ils émergent, pourquoi ils disparaissent, comment ils sont construits quand ils émergent, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur l'histoire des sciences sociales. Et là, il me semble que c'est un objet en particulier qui nous apprend beaucoup de choses sur l'histoire du champ intitulé Études africaines, quoi. Donc, comment je vais organiser mon intervention? C'est d'abord comment dire, c'est de manière chronologique, grosso modo, mais un peu plus que chronologique, parce qu'en fait, mes deux points, ils se recoupent en partie. Le premier, c'est très chronologique, c'est-à-dire comment est-ce que le travail a été abordé depuis l'entre-deux-guerres. Mais le deuxième point, c'est aussi de se demander quelle est la postérité de ces travaux-là et dans quelle situation on est aujourd'hui pour essayer de re-réfléchir au travail, quoi. Bon, je vais essayer de maîtriser mon temps, et puis vous pouvez tout à fait m'interrompre ou me faire savoir s'il y a quelque chose que je dis qui n'est pas tout à fait clair et... Enfin bon, on peut interagir, moi je ne me formalise pas, ou au contraire, l'important c'est qu'on se comprenne, quoi. Donc, pour commencer, pour commencer, je voudrais soulever un point qui est, peut-être, je ne me rappelle plus si ce n'est pas la première page ou la deuxième page d'un livre qui vient de sortir, sort à l'occasion des 100 ans du centenaire de l'OIT. C'est un livre qui est dirigé par Andreas Eckert et Stefano Bellucci, deux historiens, et qui est un livre qui s'appelle General Labor History of Africa, et qui est en fait une somme, à mon avis, qui va être très lue, parce qu'il a été très médiatisé, puis aussi parce qu'il n'y a pas... C'est la seule somme disponible sur la question aussi. Ou du moins, ce n'est pas la seule somme disponible sur la question, mais c'est une somme de sommes. C'est-à-dire qu'André Sackert, Stefano Bellucci et toute une autre équipe d'historiens, ils y regroupent ce qui a été un mouvement de recherche dans les dernières années. Et donc, ils sont particulièrement visibles. Mais ils insistent sur un point pour commencer qui est, à mon avis, tout à fait frappant. C'est de dire que, après... avoir été un objet central dans le champ des études africaines, cet objet s'est effondré au début des années 90. Et que tout s'est passé comme si les théories qui proclamaient la centralité du travail avaient été remplacées très très rapidement par d'autres visions qui le tiennent plutôt assez radicalement à l'écart, y compris peuvent déformer dans un sens inverse de déformation antérieure des représentations des sociétés africaine. Ils disent que c'est un objet qui a quasiment disparu aujourd'hui de l'agenda de recherche scientifique, et donc ils s'en plaignent, quoi. Donc moi, je les suis tout à fait sur cet objectif-là. Et je pense qu'on a intérêt à redécouvrir... bon, ce livre, il s'inscrit dans un enchaînement, mais aujourd'hui, on a intérêt, c'est l'objectif de la communication, là, à redécouvrir un certain nombre de travaux, en les regardant certainement depuis des lunettes qui sont actuelles, c'est-à-dire en notant peut-être les lunettes qu'eux portaient quand, dans les années 60-70, ils ont été écrits, mais parce qu'il y a toute une somme de connaissances accumulées qui est extrêmement forte. Donc, pour commencer, je voudrais aborder les travaux qui, démarrant peu à peu dans les années 30 et 40, ont construit une première catégorie d'appréhension du travail salarié sur le continent africain en l'associant à la modernité. C'est-à-dire, on lit... des catégories comme ça, le travailleur moderne, je le mets au masculin. La plupart du temps, je vais essayer d'utiliser le féminin et le masculin à la fois quand il s'agira des deux, mais là, on a quand même des catégories qui sont très masculines. Les travailleurs modernes, dans la représentation, dit Frédéric Cooper. Frédéric Cooper, c'est un nom que vous pouvez retenir, c'est un historien qui a étudié beaucoup le travail et qui a produit une somme en 1996 qui s'appelle Travail et décolonisation en Afrique, auquel je me référerai plusieurs fois. Et donc, cette association à la modernité, mais aussi à la masculinité, elle est forte à ce moment-là. Et donc, moi, ce que je voudrais, c'est réfléchir aux formes de continuité et de discontinuité qui ont été deux premières vagues de la littérature, à la fois celle-là, au début, et puis après, celle qui suit, qui va passer du travailleur moderne au travailleur d'avant-garde, enfin, à l'avant-garde. Donc, vague plus marxiste, dont tu as parlé. Forme de continuité, mais aussi de discontinuité, donc. Donc, ce qu'il faut retenir pour le premier mouvement, c'est qu'avant de devenir un objet de recherche, ces travailleurs modernes étaient d'abord un problème, un souci pour l'administration coloniale. C'est comme ça que ça émerge. C'est-à-dire que, bon, ça, je me réfère à une anthropologue qui s'appelle Monique Lacroom, qui est une anthropologue du travail, et qui insiste là-dessus en disant quand on veut essayer de faire une historiographie du champ de recherche travail-travailleurs en Afrique, d'abord on a des sources administratives. Des sources d'administrateurs, y compris locaux, qui dialoguent sur les problèmes que leur pose le recrutement, que ce soit pour le portage. Vous savez, le portage, c'est tout simplement de porter sur sa tête ou son dos des marchandises à une époque où les routes n'étaient pas faites et qui a mobilisé des centaines de milliers de personnes. Donc le portage, le travail agricole, les chantiers d'infrastructures, les mines, mais aussi d'autres formes qui sont des formes intermédiaires entre la mobilisation directe d'une force de travail, qu'elle soit rémunérée ou pas, et d'autres formes de mobilisation de la force de travail, par exemple quand vous aviez les cultures obligatoires, c'est-à-dire on vous oblige à faire tel type de champ, que ce soit de l'arachide ou un peu de tabac ou du coton, et donc qui aussi donnait lieu à une prise en charge par l'administration pour savoir comment on contraint, comment on fixe les gens. Et donc s'invente la problématique du travail un peu autour de ces thématiques-là. Donc il y a un certain nombre de chercheurs qui ont étudié ces questions et cette période. Je vous en cite, j'en ai plusieurs, mais à la limite, peut-être en termes de bibliographie, je vous enverrai quelque chose, parce que ça ne sert à rien que j'enchaîne un milliard de noms. Simplement, sur le Kenya, vous avez un livre de Bruce Berman et John Lonsdale qui s'appelle Happy Valley, dont le tome 1 commence par cette question-là et à faire une histoire de comment au Kenya, à un moment donné, au milieu des années 30, un tiers de la population active est au moins un moment dans l'année mobilisée, soit sur les plantations, soit pour le portage, soit en ville sur d'autres activités. C'est-à-dire qu'il y a quand même une prégnance de la mobilisation du travail dédommagé, on va dire, à défaut d'être salarié, et une mobilisation plus ou moins forcée, mais il y a une prégnance qui est extrêmement forte sur la population active. C'est ça simplement que je veux souligner, quoi. Charles Van Lanselen sur est intéressant, enfin, étudie aussi ce genre de questions sur la mobilisation de travailleurs qui viennent pas de ce qui s'appelle à l'époque la Rhodésie du Sud, mais qui sont notamment dans les colonies portugaises et qui sont pris dans un système de migration pendulaire, travailleurs qui sont appelés les chibaros. Je sais pas si vous aviez déjà entendu entendu ce terme, mais c'est pour dire ces travailleurs migrants qui vont travailler dans les mines une partie de l'année, ou une partie de l'année, qui reviennent ensuite chez eux. Et Georges Balandier pour le Congo aussi. La sociologie des Brazzavilles noires, c'est un livre où on trouve très présent ce souci des administrations coloniales pour l'encadrement du travail. C'est un livre qui est un livre aussi assez, comment dire, qui a créé assez tôt. C'est un livre de 1955. Et en même temps, on y apprend, par exemple, qu'il y a eu lieu en 1920 à Brazzaville une conférence entre le patronat et l'administration coloniale, aussi bien des deux Congos, pour essayer de gérer les problèmes de transfert de main-d'œuvre, notamment du Congo français vers le Congo belge. Un certain nombre, en fait, de jeunes hommes trouvant des salaires ou des salaires, des dédommagements, on va dire, plus importants au Congo belge. Et donc, ça posait un problème à l'administration française. Moi qui bosse sur le Cameroun, je peux vous dire que c'était la même chose. Au Cameroun, en 1925, l'administration coloniale met en place un passeport et l'obligation de déposer une caution quand on veut quitter le territoire parce qu'elle fait face à un flux de personnes qui traversent pour aller bosser au Cameroun britannique, notamment sur les plantations. Donc il y avait ce genre de... C'était des problèmes publics, c'est des problèmes de politique publique coloniale, quoi. Et c'est là que s'invente la thématique travail. Alors pour l'Afrique de l'Ouest, dit un historien qui s'appelle Babacar Fall, pour l'Afrique de l'Ouest, cette prise en charge par l'administration est particulièrement liée à la question de l'abolition de l'esclavage dans des colonies où le nombre d'esclaves sur place était bien plus important et où la colonisation, dès le départ, a fait de ce problème un problème public et l'a pris en charge, façon y compris de réussir à s'immiscer dans les rapports sociaux locaux et de se trouver une main-d'œuvre. Parce que, bon, ça c'est aussi le travail de Frédéric Cooper sur Zanzibar, de voir que l'esclave libéré, c'est aussi la force de travail qui a été sollicitée quand il fallait faire des chantiers ou trouver des bras dans le début de la colonisation, quoi. Donc, cette période dont je suis en train de vous parler, quelque part, on pourrait presque la subdiviser en deux. Je suis en train de vous parler aussi bien de choses qui se passent entre deux guerres que de choses qui se passent dans l'immédiat après Seconde Guerre mondiale. Pourquoi on pourrait la séparer en deux? Parce que, à la fin des années 30, pendant la guerre et après la guerre, s'ouvre une période particulière d'investissement qui a donné quand même un certain nombre de bouleversements dans les sociétés africaines, qui a été étudiée par Frédéric Cooper, en particulier dans son livre justement sur la décolonisation et le travail en Afrique. Parce que à cette époque-là, il y a une accélération quand même forte, et peu à peu, on va voir les premières recherches scientifiques sur le travail. On va voir les premiers mouvements de recherche scientifique. Ce qui est intéressant dans la synthèse que produit a posteriori donc Frédéric Cooper, c'est qu'il montre que les tentatives de segmenter. C'est-à-dire de dire, à partir du moment où la population salariée et urbaine est en train d'augmenter, donc ça devient une composante stable, définitive aux yeux des pouvoirs, des puissances coloniales, enfin de l'administration coloniale de l'époque, à partir du moment où ça devient une fraction de la société coloniale, eh bien, il faut réussir à en faire une fraction stabilisée et à bâtir une société coloniale qui va se pérenniser tout en acceptant cette fraction. Donc, c'est-à-dire aussi en conjurant les dangers qui étaient associés à cette fraction, notamment à l'époque autour d'un terme qui était le terme de détribalisation. Voilà. Donc en fait, on a des hommes détribalisés, voire pire, des femmes détribalisées, qui sont en ville et qui sont facteurs, aux yeux de l'administration coloniale, de déstabilisation, parce qu'il y a une assignation de l'Afrique incolonisée au village, à la tradition, ou à ce que les puissances coloniales se représentent comme étant la tradition, et que donc, en fait, le besoin en main-d'œuvre, vous voyez qu'ici, il y a des contradictions, c'est ça que travaille Frédéric Cooper, c'est-à-dire qu'il y a des chocs entre différentes politiques publiques, parce qu'il y a des chocs entre différents processus sociaux, entre le recrutement et la mobilisation du travail, et cette assignation des sociétés africaines à la ruralité, il y a quelque chose qui s'y joue et qui grince. Et c'est dans ce grincement que se produit donc cette littérature-là. Bon, c'est aussi parce qu'il y a eu des évolutions juridiques. Donc vous avez en 46, comment dire, la loi Houphouët-Boigny qui abolit le code de l'indigénat. Et vous avez quelque chose qui est à peu près son équivalent, bon, ça se discute, mais qui quand même va dans le même sens, dans les colonies britanniques, qui est le Colonial Development and Welfare Act, Colonial Development and Welfare Act de 1940. Donc à partir de là, vous avez quand même... non seulement vous avez une interdiction de papier du travail forcé, une interdiction définitive, mais en même temps, vous avez quelque chose qui reflète l'évolution des expectatives des salariés et de la population colonisée. Par exemple, je le trouvais très rigolo parce qu'à un moment donné, Frédéric Cooper a dit qu'au Cameroun, le vote de la loi Houphouët-Boigny a été voté par par un absentéisme quasi absolu dans les jours qui l'ont suivi ou les semaines qui l'ont suivi. C'est-à-dire que ce n'est pas la loi qui fait la réalité sociale, c'est-à-dire aussi qu'il y avait des processus sociaux qui étaient en cours et que la loi elle-même est venue couronner ces processus et que finalement, le travail libre, c'était un travail qu'on ne faisait plus aussi. À un moment donné, l'idée était faire une grève du zèle, voire d'être complètement absent après le vote de cette loi pour la fêter, quoi. Bon. Bon, et donc c'est à partir de là que se développe un certain nombre de recherches. Je voulais vous dire aussi que cette période donc, qui a été labellisée par John Lonsdale comme seconde occupation coloniale, donc par là il veut dire qu'il y a eu un nombre important d'investissements. Peu à peu, à part Frédéric Cooper, d'autres travaux se sont accumulés qui regardent et qui comprennent cette période comme une période particulière. Fred Cooper travaille sur les imaginaires qui se développent à l'époque. Et c'est extrêmement intéressant parce que cette littérature dont je m'apprête à vous parler, elle est inscrite dans ces imaginaires-là. Mais il y a d'autres travaux, comme ceux de Vincent Bonnecaze, qui, par exemple, enfin, étudie l'émergence, à peu près à ce moment-là, du concept moderne de pauvreté, quoi, du problème public, la pauvreté comme problème public. C'est-à-dire, c'est à cette période-là aussi que s'inventent les outils administratifs, aussi bien que pour comptabiliser les travailleurs, chercher à les stabiliser, conjurer le risque de la détribalisation, etc., etc., que pour compter les pauvres. Et s'invente en fait des problèmes publics qui vont être matriciels pour les périodes qui suivra l'indépendance, quoi. Donc les premiers chercheurs et les premiers mouvements dans la littérature qui accompagnent ou qui critiquent, y compris cette période-là, ils sont quand même, il faut le dire, assez marqués par une position du chercheur ou de la chercheuse qui est entre la recherche scientifique autonome et une position d'expert. Ça, c'est quelque chose que souligne à la fois, comment dire, que souligne Ekerte-Belucci et en même temps que souligne deux autres chercheurs, des chercheurs belges qui s'appellent Benjamin Rubers et Marc Poncelet, qui ont montré comment est-ce que la sociologie du travail colonial belge est née en partie sous l'aile, en partie de manière critique, en partie sous l'aile donc de l'Union minière du Katanga. C'est-à-dire des activités minières dans le Katanga belge, et qu'il y a une position, il parle d'un petit groupe d'intellectuels progressistes, vous voyez, des gens qui, étant sociologues du travail, s'intéressent à la réglementation du travail dans les colonies, et de ce fait, multiplient les enquêtes sur les Africains qui travaillent dans les mines en Belgique, en Belgique, pardon, au Congo belge et dans la région du Katanga. Et donc, il y a une. comment dire, à un moment donné, un consortium d'acteurs qui porte cette problématique. Bon, pendant que il se passe ça dans le Katangal, on est dans les années 50. On est dans les années 50. Enfin voilà, on est à la fin des années 40 jusqu'au début des années 60. Et donc il y a toute une série de travaux qui étudient le logement, les migrations, enfin les plus loin migrations, c'est-à-dire les migrations de travail, l'installation, le travail, la formation professionnelle. On a toute une série de travaux dans ce sens-là. Et il se passe exactement la même chose. C'est ça qui est intéressant et que c'est pour ça que je le mets en avant. Il se passe exactement la même chose concomitamment. Dans l'espace colonial britannique et dans l'espace colonial français, autour notamment d'une institution phare à chaque fois. Côté britannique, c'est une institution qui s'appelle le Rhodes Livingstone Institute. Donc Rhodes et Livingstone comme deux acteurs de la première colonisation britannique. Et c'est un institut qui est fondé en 1938 à Lusaka, en Zambie, dans la Zambie actuelle, quoi. Et où un certain nombre d'anthropologues se mettent à proposer de porter un regard nouveau sur les sociétés africaines colonisées et en se donnant des objets nouveaux. Par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler de James Clyde Mitchell, qui étudie une danse, la Kalela Dance, et qui voit, enfin, qui est une danse qui est dansée en particulier par les migrants urbanisés, par les gens qui se sont installés dans les villes, quoi. Et il essaie de voir ce qu'exprime cette danse dans l'expérience qui est vécue, et donc, voilà, d'étudier au présent. D'étudier les sociétés africaines au présent. Bon, Bill Epstein, un de ses collègues anthropologues aussi, étudie les mines. C'est un moment où l'objet urbain et salarié est très corrélé et s'impose en même temps. Bon, c'est ça que je veux dire. J'ai essayé en fait de résumer un peu, sinon je vais être trop long. Et dans l'espace colonial français, l'institution qui correspond au Rhodes Livingstone Institute, c'est l'Institut français d'Afrique noire, enfin qui correspond, qui va jouer au même rôle en l'occurrence pour ce dont on est en train de parler. Donc l'Institut français d'Afrique noire, IFAN, qui est situé à Dakar, et où aussi bien Georges Balandier, qui à l'époque y passe, que le directeur de l'IFAN qui s'appelle Paul Mercier, à un moment donné, pendant quelques années, quoi, vont porter l'idée qu'il faut que l'ethnologie française prenne un tournant sociologique. Et donc s'intéresse à ces objets qui sont la ville et les salariés. Donc, par exemple, Balandier, il écrit le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, Sociologie des Brazzavilles Noires. Qu'est-ce que c'est que les Brazzavilles Noires? C'est donc les deux quartiers très denses, peuplés de Congolais africains à Brazzaville, et qui sont situés à deux pôles de la ville coloniale blanche, mais où habitent essentiellement les gens qui travaillent, que ce soit dans les transports, dans les services, bon, le train, c'est les transports, dans l'administration, etc., etc. En fait, c'est justement ces détravalisés que craignent l'administration coloniale. Et Georges Balandier, j'y reviendrai tout à l'heure, fait un travail à la fois extrêmement marquant, mais à la fois, moi, je propose qu'on le lise un petit peu différemment de la manière dont c'est lu en général, puisque les Brazzavilles noires de Balandier, c'est en général lu comme quelque chose qui a marqué un tournant dans l'ethnologie, en passant d'une ethnologie, on va dire, à tendance essentialiste, à une ethnologie dynamique, une anthropologie dynamique, donc qui comprend, qui s'intéresse aux interactions, qui comprend la... Enfin bon, en fait, d'autres ici en parleraient vachement mieux que moi, mais moi, il me semble que, en même temps, mais j'y reviens tout à l'heure, il y avait quelque chose qui était une discussion sur les objets qui se présentaient et qui est quelque chose qui est encore intéressant qu'on pourrait relire aujourd'hui. Bon, donc on a ça, Paul Mercier, donc collègue, ami de Georges Balandier qui dirige l'IFAN. Il écrit à l'époque un livre qui s'appelle « Les tâches de la sociologie », où il insiste énormément sur ce tournant à prendre, quoi. Et c'est intéressant qu'ils disent « Les tâches de la sociologie ». C'est un moment où, justement, la section de sociologie de l'IFAN vient d'ouvrir. Et quand il dit « Les tâches de la sociologie », c'est parce qu'aussi, il porte l'idée que c'est les mêmes, ou que du moins, c'est pas les mêmes tâches, mais c'est un programme commun entre les tâches qu'il y a pour l'IFAN ou pour des gens qui sont sociologues en France à ce moment-là. Mais dans tous les cas, on a une recherche, que ce soit pour le Rhodes Livingstone Institute ou pour l'IFAN, on a une recherche qui aussi se veut comme ayant une portée, une influence sur l'administration. Donc vous voyez que c'est une évolution, mais ce n'est pas une rupture par rapport à ce que je vous disais précédemment. Les tâches de la sociologie, c'est écrit comme ça, ça fait programmatique, mais parce que ça se veut influencer les choix de l'administration coloniale à un moment où la Seconde Guerre mondiale est passée par là, et où il s'agit de réinventer aussi les formes d'administration des colonisations, quoi. Ce faisant, c'est des recherches qui à la fois sont très innovantes et en même temps insistent, c'est un point que je veux souligner en particulier, toujours en commun sur la séparation entre les travailleurs modernes, salariés, et les restes des sociétés africaines. C'est la première phrase du chapitre qui est consacrée aux salariés dans les Brazzaville noirs qui dit, c'est la première fois, phrase, hein, « En devenant citadin, virgule, le noir rompt de manière définitive avec la traditionnelle économie de subsistance. » Cette idée de rupture, c'est une idée qui est clé à l'époque, et la modélisation des, des politiques publiques qui est proposée, elle vient de cette idée de rupture. Ça n'empêche pas Georges Balandier. Enfin, ça fait, ça imprime sa marque sur le travail de Georges Balandier et d'autres, qui donc se demandent comment développer une culture professionnelle, une culture technique, etc., mais toujours sous un prisme de la rupture, et comme s'il y avait un autre monde à côté qui s'opposait diamétralement donc à la socialisation professionnelle. Donc vous voyez, il y a la ruralité, la tradition, la modernité, la ville, le salariat, et en même temps, comment dire, et en même temps, c'est des recherches qui sont extrêmement innovantes dans la méthode. Notamment, Georges Balandier, en fait, il fait multiplier des entretiens biographiques qu'il utilise d'une manière particulière, c'est-à-dire à une époque où, comment dire, son but n'est pas de prendre les entretiens biographiques pour reconstituer un système de représentation. Il multiplie les entretiens biographiques pour essayer de détacher des trajectoires sociales qui sont suivies par les travailleurs. Et là, il passe son temps, du coup, à être titillé sur les liens qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur de la ville. De la même manière, il prend la maisonnée, il étudie maisonnée, ce que les Congolais appellent des clôtures. Donc il étudie toute la clôture et il voit le salarié et ses dépendants. Donc finalement, il a toute une série de résultats, il me semble, qui vont un peu à l'encontre de son postulat de la rupture, mais auquel il ne donne pas nécessairement une visibilité si grande. Sa thèse principale, c'est d'arriver à démontrer que le problème, c'est les bas salaires et les mauvaises conditions de travail, et pas une culture, enfin une incompatibilité culturelle, quoi. D'ailleurs, du coup, son livre est vachement retenu sur la manière dont il travaille ces concepts-là, mais donc pas une incompatibilité, mais tout simplement des conditions de travail qui sont pas suffisantes. C'est pour ça que Benjamin Rubin se dit que c'est un groupe de chercheurs progressistes, c'est-à-dire qui s'installe un petit peu comme ça. Bon, j'avance là-dessus, mais pour dire que ce qui se joue dans les années 40 et 50, c'est la mise en place d'une première formalisation de l'objet, dans un consortium d'acteurs où vous avez aussi bien des gens qui viennent de l'administration, des journalistes, des chercheurs, qui construisent un objet qui est aussi bien qui veut être une lecture du monde social nouveau et aussi une catégorie de l'action publique. Pourquoi je le souligne avant de passer à, enfin bon bref, pourquoi je tiens à le souligner en particulier, c'est que vous voyez que s'invente aussi une représentation qui va être assez matricielle pour l'invention ultérieure des États africains indépendants, dans le sens de ce que Mahmoud Mamdani dans Citoyens et Sujets montre comme étant la mise en place d'une dualité dans le rapport de l'État à la population. La fraction des salariés, ou plutôt des travailleurs modernes, étant un peu la fraction basse du côté des citoyens. Est-ce que je me fais comprendre ? Ouais. Ouais. Mais peut-être pas pour ceux qui n'ont pas lu Mahmoud Mamdani, qui montre en fait comment les États africains coloniaux, ont dédoublé le regard qu'ils ont porté sur la population en faisant des citoyens de première et de seconde classe, si vous voulez, donc des citoyens, c'est-à-dire des gens auxquels sont attachés des droits. Là, ce dont je suis en train de vous parler, les salariés modernes, les travailleurs modernes sont des gens à qui sont attachés des droits. Je crois qu'Elena, tu disais ça tout à l'heure. Et les sujets, vous savez, sujets, c'est dans une monarchie ou dans une autocratie. C'est pour dire qu'à l'inverse, il y a toute une marée de population où il n'y a pas de droits individuels qui sont attachés parce que vous faites partie de l'arrière-pays, quoi, en quelque sorte. Bon. Donc voilà un dernier courant de l'époque, mais qui n'est pas détaché, un dernier courant de littérature de l'époque, mais qui n'est pas détaché de ce que je suis en train de mentionner. C'est un courant peut-être plus militant, d'inspiration marxiste, mais qui n'est pas encore... qui appartient toujours à cette première génération de littérature, mais qui se cristallise dans un numéro de Présence africaine qui n'est pas très connu, mais que j'avais été content de découvrir grâce à une communication dans un colloque. Bon, comme je ne vois plus mes notes de bas de page, je ne peux plus vous dire la personne. Il est accessible en ligne et il s'appelle Travailleurs d'Afrique noire. Il s'appelle Le Travail en Afrique noire. Il est des années 50. Exactement. Voilà, de Pierre Naville, et c'est intéressant parce que c'est un sociologue français qui travaille sur la France, et là, il fait un écart. Et donc, ça témoigne pas mal. C'est un des inventeurs de la société, enfin, des inspirateurs de la sociologie du travail en France, Pierre Naville. Et donc, ça témoigne un petit peu de ces coalitions d'acteurs qui, à l'époque, font émerger l'objet de travail et le renouvellent. Parce que le numéro de présence africaine, donc, qui sort en 52, il est marqué par à peu près la même représentation du travail des travailleurs africains que celle que je suis en train de vous décrire. C'est-à-dire, c'est la séparation. Pierre Naville, il introduit en disant que désormais, pourquoi est-ce que le travail va devenir le travail salarié, le travail moderne va devenir et l'avenir de l'Afrique, y compris en termes de modification des sociétés, c'est parce que en Afrique, les formes de travail les plus avancées sont en train peu à peu de s'installer et ont vocation à remplacer les formes de travail les plus arriérées. Avancées, arriérées, c'est son vocabulaire, c'est pas le mien. Mais c'est pour dire, c'est pour dire que il y a cette représentation qui s'installe et qui est suivie juste après. Il y a un mot d'Alioune Diop, qui est directeur de publication de Présence africaine à l'époque, je crois que c'est son titre, ouais, directeur de publication, et qui réfléchit à la contribution de l'Afrique à ce mouvement du travail, justement. Mais vous voyez, dans une représentation qui, pour le coup, est plus proche des fondamentaux de Présence africaine à l'époque, type négritude et post-négritude, quoi. Mais donc vous avez un numéro qui est assez hybride, bon c'est intéressant, du coup il y a aussi bien la racine administrative dont je vous parlais, par exemple vous avez quelqu'un qui est un administrateur colonial qui est Henri Labouré, qui s'interroge sur les migrations de travail et dans quelle mesure ça déstructure les mondes paysans, il y a Georges Balandier qui intervient, et en même temps vous avez donc Pierre Naville ou Denis Paulme et Jean-Claude Pauvert qui sont des gens qui sont plus ouvertement inscrits dans le marxisme, mais avec une vision à nouveau d'un salariat qui se détache nettement des sociétés africaines. Simplement, en fait, la question est de savoir si cette fraction salariée doit être une matrice du développement sous l'aile de l'administration coloniale ou doit être au contraire le socle d'un progrès qui se fait en renversant cette administration coloniale. Mais dans les deux cas, vous avez une fraction salariée qui est détachée, qui est séparée. Bon, voilà pour la première génération. C'est toujours un peu, comment dire, abstrait ou c'est toujours un petit peu exagéré de séparer des générations. Évidemment, les gens qui vont publier dans les années en 1960-65, vous voyez bien que je suis en train de... Enfin, soyez pas dupes de mes propres catégories, là, en l'occurrence, parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont dans la continuité des deux. Pourquoi est-ce que je veux souligner qu'après les indépendances, notamment... on a une deuxième génération dans la littérature parce que cette deuxième génération, elle fait deux déplacements qui me semblent quand même assez notables. La première, c'est qu'on ne parle plus des travailleurs modernes dans leur ensemble. Chez Georges Balandier, vous avez le commis de l'administration qui est ensemble avec le cheminot et ensemble avec le journalier dans les chantiers du bâtiment. Donc vous avez tous les travailleurs appartenant à ce secteur moderne qui sont mélangés. Dans la génération de travaux qui suit, et dont là je suis en train de commencer à vous parler, vous avez ceux qui sont labellisés comme ouvriers, ouvrières, donc les travailleurs manuels, qui, au contraire, émergent comme catégorie autonome. Donc ça, je crois que ça fait une différence quand même qui est intéressante. La deuxième, c'est qu'après les indépendances, il devient de moins en moins évident d'associer les syndicats, les organisations de salariés et les régimes politiques. Dans les années précédentes, la matrice du mouvement nationaliste, Elena aussi en a parlé tout à l'heure, la matrice du mouvement nationaliste a beaucoup associé partis et syndicats, et a donné une représentation des syndicats et des mouvements de salariés sur le continent africain qui était extrêmement liée à la revendication nationaliste. Et vous avez, à partir d'après l'indépendance, c'est logique, deux têtes, deux figures qui restent de la modernité africaine, les régimes et les syndicats, et il arrive qu'ils se disputent. Il arrive quand même qu'il y ait des mouvements. Au Ghana, c'est le cas. Kwame Nkrumah fait face à des grèves parce que, comment dire, le discours de la patience, de l'attente, à un moment donné, s'use, quoi. Et donc, c'est une littérature qui est marquée, cette deuxième génération, par la volonté comment dire, de regarder les syndicats en dehors du mouvement nationaliste. C'est quelque chose que dit John Iliff, qui lui étudie les dockers à Dar es Salaam. Et il dit qu'il faut faire une histoire des syndicats de dockers qui soit une histoire ouvrière et pas une histoire nationaliste. Enfin, il faut réinventer une historiographie qui s'autonomise de l'historiographie nationaliste. Et qu'on regarde l'expérience vécue des dockers. Et vous voyez que là, ça tend un petit peu, enfin, ça tend un peu plus à s'intéresser aux salariés, aux travailleurs comme les dockers, dans leur activité, dans leur quotidien, un peu plus que simplement de les voir dans leur influence politique. Que ce soit parce qu'on en ait peur, parce qu'ils sont des travailleurs, ou parce qu'on place en eux des espoirs importants, parce qu'ils sont l'avant-garde. Vous voyez que ça décale un petit peu le regard quand même. Donc, à partir de là, s'ouvrent aussi de nouvelles discussions. Et des discussions qui sont marquées par l'importation dans ce champ de recherche des questions qui traversent les différents marxismes, parce que il y a autre chose qui se démultiplie dans les années 60, c'est les marxismes qui sont institutionnalisés ou non. Et donc un débat comme celui qui va porter durant toutes les années 70 sur la place des mouvements ouvriers africains, débat qui va être cadré autour de la question de l'aristocratie ouvrière, c'est-à-dire j'essaie de m'expliquer. Il y a un article important de John Saul et Giovanni Arrighi qui paraît, je crois que c'est en 1970 ou 72. Le problème, c'est que c'est dans mes notes de bas de page et c'est écrit trop petit pour moi. Mais bon, ça n'a pas vraiment... D'une biblio que t'allais, peut-être que je ferais ça. Ouais, ouais, en fait, c'est celle qui est en ligne sur l'école thématique Afrique ouvrière. D'accord. Okay. Parce qu'on avait fait une école thématique, c'est là où j'avais commencé à faire cette intervention, qui s'appelait Afrique ouvrière. Si vous tapez sur Google Afrique ouvrière hypothèse, parce que ça s'appelle comme ça l'endroit qui nous héberge, hypothèse, il y a un onglet bibliographie où en fait vous retrouverez à peu près 100% de ce que je suis en train de dire, puisque j'avais mis ça en ligne. Donc bon, à cette époque-là, se lance un débat... autour de ce concept d'aristocratie ouvrière, qui n'est pas un concept qui est inventé pour les mouvements ouvriers africains. C'est un concept qui vient des écrits de Lénine, je crois bien. La question est que... Engels, donc c'est encore préalable à Lénine. Mais en tout cas, c'est un débat classique du marxisme. Et qu'est-ce que c'est ? Ça consiste à dire que dans les pays les plus industrialisés, la stabilisation de la condition ouvrière amène les organisations ouvrières peu à peu à s'intégrer dans les régimes parlementaires et à représenter une force qui est une force de freinage de la lutte des classes et voire carrément une force contre-révolutionnaire en période de mouvements sociaux un peu importants. Bon, importé dans les pays africains, il s'agit de dire que le salariat y est, enfin, grosso modo, je vous résume l'argument, hein, mais il s'agit de dire que le salarié est une condition si minoritaire qu'elle est déjà un privilège, qu'elle correspond déjà à des privilèges, et que donc les organisations salariées finalement représentent une fraction de la population qui naturellement est associée plutôt à l'élite dirigeante du pays. Bon, c'est une thèse qui va être très discutée, qui en partie repose sur l'association de tous les salariés et de tous les types de salariés. À l'époque, ça va être très discuté selon les différentes tendances marxistes, justement, puisque, sauf erreur, Arrighi et Saul, c'est plutôt des gens qui sont proches du maoïsme, quoi, comme courant dans le marxisme. Mais là, je peux être corrigé sans problème parce que je peux me tromper tout à fait. Mais en tout cas, qui ont cette vision que les forces révolutionnaires dans les pays africains viennent plutôt des campagnes, quoi, et qu'à partir de là, le salariat va être une force plutôt conservatrice. Bon. Juste une parenthèse, on trouvait déjà cette idée un peu chez Frantz Fanon, hein, sur les passages qu'il a sur les salariats, déjà dans Les Damnés de la Terre, sont très acerbes et très critiques. Et ouais, la seule population révolutionnaire d'Afrique, pour lui, c'est la paysannerie, à ce moment-là. Mais il parle pas d'aristocratie ouvrière, si ma mémoire est bonne. Ouais. Bon, ouais. Bah, en tout cas, bon, donc là, ça fait un premier débat. Et ensuite, il y a un autre élément sur lequel je voulais insister. Bon, j'ai insisté, le premier élément étant les marxismes, là, qui s'imposent et qui reformulent un peu les débats. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même considérer aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'influence idéologique. Je pense que, vu d'ici, on insiste très souvent sur le fait que voilà, les travaux qui ont porté sur la classe ouvrière ou les ouvriers ouvrières sur le continent africain, voilà, c'est les travaux marxistes. Bon, je pense que ça, c'est aussi une caricature et qu'elle est aussi assez négative ou assez handicapante pour mesurer la qualité de ces travaux et pour réfléchir à ce que c'est que le travail et ce qu'ont été les travailleurs travaillés sur le continent africain. Il y a aussi autre chose qui s'est passé à ce moment-là et qui fait la différence avec les travaux de la génération précédente, c'est la massification de l'université et le fait que désormais, même s'ils sont très politisés, ceux qui écrivent sont des chercheurs professionnels, sont des universitaires, voilà. La critique qu'ils font des travaux de la génération précédente, certes, c'est une critique assez politisée, mais il y a aussi d'autres critiques, il faut y être sensible. Ils disent que la génération précédente ne faisait pas de terrain, enfin, pas de démarche empirique, qu'elle était trop proche de l'administration. Et donc ça, c'est quelque chose que documentent pas mal, justement, Benjamin Rubers et Marc Poncelet en ce qui concerne la Belgique, en disant, en fait, les premiers entrepreneurs de recherche qui ont lancé les recherches sur le Katanga industriel, ils ont formé une série de doctorants qui, à un moment donné, les a complètement lâchés et s'est retourné contre eux en disant, on ne peut pas faire une recherche aussi proche de l'union minière. Qui se sont socialisés du point de vue de recherche, en lien avec des collègues français, des collègues américains, et organisé, avec l'OIT aussi, c'est-à-dire que l'Organisation internationale du travail jouait un rôle un petit peu d'extérieur par rapport aux différentes administrations coloniales, et que donc les chercheurs qui animent les débats dans les années 60-70 sont aussi positionnés différemment dans une recherche qui est plus la recherche telle qu'on la voit aujourd'hui, même si c'est encore un peu différent. Mais un élément que moi il me semble aussi important d'ajouter, c'est que c'est une recherche qui s'écrit désormais, c'est pas le cas de la recherche précédente, beaucoup plus sous le regard d'une université qui s'est massifiée et de mouvements étudiants. Et vous avez à l'époque des œuvres, comme c'est le cas de quelque chose qui est un best-seller et aujourd'hui quelque chose qui est très oublié, mais par exemple Femmes, Greniers et Capitaux. Moi, je parlais de ça avec Jean Copens. Jean Copens, c'est un anthropologue français qui a beaucoup travaillé justement sur les ouvriers et ouvrières en Afrique. Il me disait, il faut que tu mesures à quel point à l'époque c'était un best-seller, c'est-à-dire que ça a été traduit en 7-6 langues, en 6-7 langues l'année qui a suivi sa sortie, c'était discuté partout, et quand on sortait un livre comme ça, il était extrêmement discuté. Donc ces recherches dont là je suis en train de vous parler, elles ont aussi cette caractéristique-là, et c'est pour ça qu'elles sont très traversées d'une intertextualité qui est une intertextualité politique, académique à la fois. Mais bon, il faut être sensible parce que sinon on comprend peu le regard qui était porté à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a à la fois... Meyassou quand même, t'as peut-être passé. De Meyassou, femme... Ah, j'ai pas dit Claude Meyassou. Ouais. C'est qui est un anthropologue français. Une tête de pont de ce qu'on a appelé après l'école d'anthropologie économique marxiste, et qui a beaucoup débattu quand même des questions de travail, et pas de salariés seulement, mais de travail en général. Ouais, assez peu de salariés, mais je vais y revenir en fait sur la place qu'ils ont eue, je vais y revenir un petit peu. Et dans les archives sont ici, effectivement, elles font Claude Meyassou. Bon, donc politisation de l'objet, mais aussi autonomisation de la recherche. C'est simplement ça que j'étais en train de vous dire, et qui fait que dans cette génération-là, on a quand même une série de travaux qui apprennent énormément de choses, parce que se lance l'idée de faire des monographies. Alors, soit des monographies, parce qu'en fait, ça dépend de quelle discipline on est, mais soit des monographies, soit l'histoire d'une trajectoire de tel collectif ouvrier. Donc, vous avez énormément de choses qui s'écrivent à l'époque sur les dockers. Par exemple, je vous ai parlé de Johnny Leaf. Johnny Leaf, c'est sur les dockers d'Dar es Salaam. Et Frédéric Cooper, historien dont je vous ai parlé plusieurs fois, il étudie les dockers de Mombasa. Et en se demandant quel a été, dans le temps long, comment ils se sont formés comme collectif ouvrier, quelle a été leur influence sur la ville et sur la composition de la ville. Et il montre qu'il y a une... Du coup, la ville, qui est très souvent décrite comme une espèce de melting pot d'instabilité, d'insécurité, en fait, il y a une empreinte ouvrière assez forte sur la ville de Mombasa. Bon. Ça, c'est pour les dockers. Il y a aussi Peter Waterman sur les dockers de Lagos, qui se demande pourquoi les dockers de Lagos sont conservateurs au plan politique. Donc, qui se pose des questions. À mon avis, c'est pas... Comment dire, on peut pas simplement dire que c'est des travaux d'inspiration marxiste, parce que qu'est-ce qu'on a dit en disant ça? On n'a vraiment pas dit grand-chose. Et c'est des travaux qui nous disent énormément de choses sur ce qu'étaient ces collectifs ouvriers. Donc les dockers, les cheminots, bon, je ne sais pas si ça vaut le coup, je donne tous les auteurs, mais les cheminots à Kampala, en Ouganda, par exemple, sont étudiés par Ralph Griot, ou à Sekondi, au Ghana. Sekondi Takoradi, c'est une grande gare au Ghana, qui sont étudiés par Richard Jeffries. Donc ça pour les cheminots, les ouvriers d'usine, les mineurs, et c'est d'ailleurs peut-être les mineurs qui ont reçu le plus d'attention. Notamment dans la Copper Belt, c'est-à-dire aussi bien en Zambie et au Congo belge, donc le Copper Belt congolais et le Copper Belt zambien, et en Afrique du Sud, où il y a énormément d'études sur les mineurs. Donc simplement, c'est pour dire qu'il y a une littérature quand même qui est très très riche, et que ça serait assez dommage de l'enfermer dans une labellisation univoque. Je ne sais pas combien il me reste de temps, Alexis. T'as le temps. J'ai le temps ? Ok. Donc, voilà, c'est une littérature en même temps qui est traversée par des problématiques communes, qui se posent des questions assez similaires et qui portent sur la question du rôle que jouent les ouvriers et ouvrières, essentiellement les ouvriers quand même, dans les processus de changements sociaux et sur la conscience. Ceci étant dit, en s'insérant dans cette problématique, enfin, en construisant cette problématique du changement social et de la conscience, c'est des recherches qui en questionnent les frontières. C'est-à-dire, le rôle de l'enchaînement social, ça pose une question assez lancinante de savoir est-ce que, comment dire, la question elle est formulée comme ça à l'époque. Donc, je vous l'ai dit comme elle est formulée à l'époque, mais vous allez comprendre l'intérêt en même temps si on le relit. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont une conscience ouvrière ou est-ce qu'ils sont malheureusement, en quelque sorte, tirés dans l'espèce de grand mélange de la population, et donc il développe une conscience populiste, c'est le terme qui est employé à l'époque. Mais finalement, dans cette réflexion sur l'ouvrier ou le populiste, sur la conscience de classe ou le populisme, vous avez toute une exploration des rapports sociaux qui se joue au quartier, qui se joue aux abords de l'usine, qui se joue dans les mobilisations ou dans les positions que prennent les représentants, qui sont tout à fait intéressantes et qui dessinent un continuum et qui aussi documentent des rapports sociaux du quotidien, quoi. Il y a aussi un intérêt pour l'ethnicité, évidemment. Alors l'ethnicité qui fait problème, parce que c'est-à-dire qu'on sollicite des identités qui sont extérieures à l'identité ouvrière, mais du coup on questionne des frontières. Par exemple, Paul Lubeck, qui est un chercheur qui a travaillé sur les ouvriers d'usine à Kano au Nigeria, il a écrit un livre qui s'appelle The Making of a Muslim Working Class. Alors vous voyez que c'est pas un hasard s'il fait référence au titre d'E.P. Thompson, The Making of an English Working Class, parce qu'en fait beaucoup de ces historiens sont influencés par l'histoire sociale marxiste britannique. Et là-dedans, en fait, c'est extrêmement intéressant parce qu'il montre la relecture de la religion musulmane dans le cadre des rapports de travail à l'usine et de l'identité ouvrière qui se crée. Et dans le cadre d'une négociation avec la direction où, comment dire, le vocabulaire de la dignité ou de la pureté est embarqué dans les rapports professionnels et donc les transgressions opérées par le travail à l'usine ou par le patron vis-à-vis de ce qui serait un horizon d'attente musulman, enfin religieux en tout cas, se transforme en lutte ou en conflit. Enfin, je veux dire, il y a une ligne de ce qu'il faut faire, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut pas faire, qui s'invente et qui se dit dans le vocabulaire religieux. Donc encore une fois, certes, on est dans une problématisation qui est celle dont je vous parle, classe et conscience de classe, quoi. Mais en même temps, on a des questions qui, en questionnant les frontières, en se heurtant aux frontières, bon, à mon avis, sont tout à fait intéressantes, quoi. Dernier élément, c'est que c'est une littérature qui valorise beaucoup ce qu'on pourrait appeler une épistémologie de l'engagement. Par exemple, un livre qui est écrit en commun par Jean Coppens, Robert Cohen et, j'oublie son prénom, Gutkan, qui sont donc deux historiens, l'un britannique, l'autre américain. Comment dire, il termine en disant que, il disait la chose suivante, l'analyse de la formation d'une conscience de classe contribue à la construction d'une tradition de classe au sein de cette même conscience. C'est moi qui ai traduit, c'est en anglais, mais est-ce que vous m'avez compris? Ils veulent dire que, parce que c'est vrai que c'est un petit peu, ça rebondit la phrase, mais ils disent qu'en gros, en étudiant la formation d'une conscience de classe dans les sociétés africaines, on contribue en réalité à l'émergence de cette conscience. Parce qu'il faut dire des choses pour les faire exister, si vous voulez. Il faut promouvoir cette catégorie pour lui permettre d'accoucher. C'est-à-dire que c'est une représentation du monde social comme étant porteur d'un potentiel sur le plan des idées, de la conscience, mais qui n'a pas encore accouché, qui n'est pas mûri. Donc, vous voyez que derrière, il y a toujours cette problématique donc, de l'existence d'une classe qui est séparée et ce dont elle pourrait accoucher, qui est en fait abattardi par les rapports sociaux quotidiens, et vous avez des chercheurs qui s'engagent en disant il faut une histoire, il faut des historiens de la classe ouvrière, des mouvements ouvriers africains, de manière à permettre à ces classes ouvrières de se connaître. Voilà, c'est aussi par ça qu'est marquée cette littérature. Avec l'influence de Thompson, E.P. Thompson, mais je vous l'ai déjà dit. Je crois que je vous ai déjà dit suffisamment ce que j'avais marqué là. Malgré tout ce que... j'essaie de souligner tout ce que peut apporter cette littérature. Dans le même temps, vous voyez qu'elle touche une limite dans sa volonté de maintenir une coupure, enfin l'idée d'une coupure entre les travailleurs et le travail salarié et le reste de la société. Cette critique-là, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est une critique qui est assez centrale dans un livre qui témoigne de quelque chose dont je veux vous... dont je vais bientôt vous parler. Il y a un livre qui, en langue française, quoi, fait un peu une synthèse de cette littérature-là et en même temps cherche à se poser de nouvelles questions, qui s'appelle « Classe ouvrière d'Afrique noire » et qui paraît en 87. Ses auteurs sont Jean Coppens, Alain Maurice... Maurice s'écrit presque comme le prénom, c'est avec un O. Et Coppens, c'est C-O-P-A-N-S. Michel Agier, Jean Coppens et Alain Maurice. Donc c'est Michel Agier que je ne vous avais pas encore nommé. Tous les trois, ils écrivent que c'est des recherches qui n'ont pas porté assez d'attention au fait que la classe ouvrière emmène derrière elle tous les réseaux de solidarité et de pouvoir extra-capitaliste. Est-ce que vous comprenez cette phrase ? Donc c'est de dire que il faut porter attention à la manière dont le salariat dans les pays africains n'est pas un domaine séparé, mais un entrelac de relations sociales, de liens entre ce qui est salarié et ce qui est en dehors du salariat, notamment parce qu'une personne qui se salarie a des gens qui dépendent d'elle, notamment parce qu'une personne qui se salarie ne fait pas que se salarier, mais a d'autres activités. Donc vous voyez, de porter désormais beaucoup plus d'attention à ces liens. Donc ça, c'est un tournant qui est proposé en partie par Michel Alger, Jean Copens et Alain Maurice, et qui est le point, finalement, parce que j'y reviens, mais ce livre, Classe ouvrière d'Afrique noire, il n'a pas eu beaucoup de postérité dans les études africaines en France, finalement. Mais c'est le point aussi qui est mis au centre du livre dont je vous parlais tout à l'heure, au tout début, et qui vient de paraître, General Labour History of Africa, qui, justement, pour vous montrer à quel point il y a des mouvements dans la littérature, dit que, justement, au contraire de cette littérature qui étudiait les salariés exclusivement et de manière séparée, eux, leur intérêt, il est pas de... Je vous le traduis en français. Il n'est pas d'étudier la fabrique d'une classe ouvrière en Afrique, mais plutôt l'histoire complexe des mondes, des gens qui travaillent et de toutes les formes de travail. Et il cite les entrepreneurs, les cultivateurs dans leur propre champ, les travailleurs domestiques, les travailleurs informels, les travailleurs non libres, les salariés, etc., etc., etc. Donc vous voyez comment, quand on passe des années 80 à 2019, on a un retournement de la problématique. Retournement qui est même un peu trop radical, je vous le dis entre parenthèses à mon avis, parce que du coup, le salariat a tendance à disparaître un peu en tant qu'objet d'études autonomes, alors même qu'il pose des questions particulières. Bon, ça, c'est mon impression à la lecture de ce livre, même si c'est une impression récente et qu'en plus, je l'ai lu. Enfin, j'ai lu les fragments qui sont disponibles sur Google Books parce que j'ai pas encore le. Mais n'empêche que l'intro, elle est en entier et que de toute façon, c'est pas que ce livre-là, c'est-à-dire qu'il y a une bascule. Voilà. Il y a souvent des bascules comme ça, quand même, dans le monde scientifique. Et là, il y a une bascule qui est assez forte, quoi. C'est quoi, une banalisation excessive du salariat dans. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, leur problème, c'est celui de l'enchâssement, entanglement en anglais, quoi. Et donc, du coup, ce qu'ils veulent montrer, c'est que les mondes du travail sont enchâssés et qu'il n'y a pas de, bon, qu'il n'y a pas eu de segmentation avec la souris. Mais de ça, ce fait, disais, dans les années 80, ils parlent déjà du hors-travail et de l'articulation travail-hors-travail. Ils en parlent, ouais, mais en fait, c'est sur le tard. Enfin, là je viens là-dessus parce que c'est sur le tard et c'est une critique que font beaucoup Jean Copens, Michel Agier et Alain Maurice. Mais il se trouve que il n'y a pas eu beaucoup de postérité non, à ça. C'est programmatique, mais ouais, c'est plutôt programmatique. Pas encore vraiment mis en œuvre. Ouais, ouais. Et parce que là, tu parlais donc d'un ouvrage de 87 et on est déjà plus très loin du moment où voilà. Ils vont un peu disparaître. Ça va disparaître. Sur le travail. Bah, en fait, c'est tout le paradoxe. Mais j'y viens parce ouais, que ouais, parce que toi, tu vas me faire changer l'ordre là. Donc voilà, j'en viens à ma deuxième partie justement où je voudrais m'interroger plus sur les études plus récentes à la fois. Mais en même temps, à poser des questions sur comment est-ce qu'on peut regarder, reprendre le taureau par les cornes. Et cette partie, puisque moi, je l'avais donné un titre, même si je ne vous l'avais pas dit pour la première, je l'avais intitulé « L'impossible tournant sociologique pour l'interrogation, postérité des recherches sur le travail en Afrique, piste actuelle et frontières disciplinaires ». Alors, pourquoi j'avais dit « L'impossible tournant sociologique » ? Je reprends l'expression à un anthropologue qui s'appelle Julien Brondaz et que j'avais entendu justement sur ce que lui, il avait appelé le tournant sociologique de l'IFAN à Dakar. Et ça correspond à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire au tournant des années 50, comment s'invente une sociologie portée par le livre programmatique de Paul Mercier. Et cette sociologie, elle correspond en fait avec l'émergence de l'objet de travail. Bon, il se trouve qu'elle aura très peu de postérité. Ce tournant a très peu de postérité. Le livre de Georges Balandier, comme je vous dis, ou l'œuvre de Georges Balandier à l'époque, est surtout lu différemment. Lu comme en fait une rupture épistémique dans l'anthropologie elle-même. Mais ensuite, les objets proposés, Georges Balandier et Paul Mercier, ils ne sont pas tout à fait mis au centre du programme de recherche, que ce soit en anthropologie ou plus largement en études africaines. Et on peut remarquer que corrélativement, Pierre Bourdieu, quand il fait son incursion en Algérie, il marque finalement assez peu les gens avec qui il cherche à dialoguer à l'époque. Enfin, il reste ce qu'un autre anthropologue, Alban Bensa, a appelé l'exclu de la famille. C'est-à-dire qu'en anthropologie, Pierre Bourdieu, il est un peu tenu à distance. Il est vrai que son étude sur l'Algérie... En fait, il écrit deux choses sur l'Algérie. Le déracinement, qui est plus connu, mais en même temps une enquête à laquelle il contribue de manière assez centrale, qui s'appelle « Travail et travailler en Algérie ». C'est pour ça que j'en parle. Et cette enquête « Travail et travailler en Algérie », finalement, elle témoigne d'une grille de lecture anthropologique au même titre que le déracinement, qui est assez opposée à celle qui est en train de se forger dans les Brazzaville noirs, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. C'est pas pour le rejeter, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un croisement qui se fait peu entre les méthodes de la sociologie et de l'anthropologie. Chacun cherchant à aller ou cherchant à dépasser à ce moment-là une frontière disciplinaire, mais du coup sans trop se croiser, quoi. Bon, peut-être que vous aurez remarqué autre chose, que tous les travaux que je viens de citer pour cette deuxième génération, je ne vous l'avais peut-être pas remarqué parce que je vous ai traduit en français les citations et même les titres en partie. Mais tous ces travaux, ils sont issus du domaine anglophone. C'est essentiellement des historiens américains, britanniques et sud-africains qui les écrivent, toutes ces monographies dont je vous ai parlé, là, quand je faisais la liste, les Dockers, les mineurs, etc. Il n'y a presque pas de travaux français. Enfin, français, francophone. Il y a les travaux belges. Mais du coup, oui, c'est vrai qu'en France, on est quand même marqué par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de ces travaux-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travaux sur des problématiques qui sont proches, notamment toute une série de rapports qui sont produits pour l'Orstom. L'Orstom, c'est ce qui aujourd'hui s'appelle l'IRD, sur le chômage, l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Et donc, il y a toute une série de travaux sur le chômage, les migrations, le travail féminin, l'informel, etc. Mais la problématique, la fabrique d'une classe ouvrière, pour la labelliser comme ça, elle a très peu existé, en fait, dans le domaine français. En France, on a autre chose. Qu'est-ce qu'on a ? On a une polarisation en matière éditoriale entre, d'une part, des travaux qui sont d'emblée positionnés comme étant très engagés, très politiques, et de l'autre, justement, ces travaux de l'Orstom. Alors, bon, pour essayer d'éclairer ça, moi, dans ma thèse, je faisais référence à un article réflexif de Georges Courat, c'est un géographe, Orstom IRD, oui. Qui, à un moment donné, quand il partait à la retraite, a écrit un article qui est assez fascinant sur les conditions de travail qui étaient celles de l'Orstom quand lui, il était jeune chercheur, pour essayer d'expliquer pourquoi lui, bon, et qui se sentait un peu en difficulté justement par rapport à cette emprise, mais en tout cas, il faut le voir comme ça, il faut le dire, il n'y avait pas d'espace pour quelque chose comme l'histoire sociale marxiste dans l'Orstom des années 60-70. Les travaux étaient relus, ils étaient, comment dire, ils étaient biffés quand il fallait, c'est-à-dire censurés, quoi, ils étaient en rediscutés, quoi, à Paris, et les programmes de recherche n'étaient pas ceux-là. En revanche, il y avait en France tout à fait un espace éditorial pour des travaux très engagés, mais qui du coup étaient directement labellisés engagés. C'est ça que je veux dire, qu'il y a quand même une différence par rapport au champ britannique, ou de l'intérieur de l'université, des travaux ont pu se faire de manière plus complexe. De la même manière, Eric Hobsbawm, il dit, ce qui a été intéressant pour nous, c'est qu'on commençait à travailler, c'est un argument qui complète celui que j'étais en train de dire, il dit, nous, on commençait à travailler dans un contexte universitaire où on avait beaucoup plus de marge de manœuvre, aussi bien du fait de notre contexte, enfin de ce qu'était l'université quand on commençait à travailler, que du fait qu'il n'y avait pas un grand parti communiste sous le regard duquel on écrivait. Et que donc le marxisme britannique a pu en partie se développer dans une plus grande liberté intellectuelle. Bon, je pense que c'est toute une série d'arguments qu'on pourrait compléter, et ce n'est pas le sujet de ma présentation d'aujourd'hui. Mais en tout cas, on a une polarisation, pour le dire un peu vite, entre Maspero, pour ceux qui connaissent, et l'Orstom, qui est très forte. Voilà, l'école de la dépendance, les marxistes d'une part, mais qui écrivent du coup beaucoup en dehors de l'université, ou qui publient en dehors de l'université, et de l'autre côté, l'Orstom, qui produit des rapports qui sont plus descriptifs et plus froids, quoi. Et ça fait que, c'est peut-être pour ça en tout cas, qu'on a une littérature un peu moins riche en ce qui concerne le domaine français. Bon, c'est quelque chose qui m'intéresse de souligner, parce que ça donne son contexte aux travaux qui existent, qui sont justement ceux de l'équipe qui va naître à l'Orstom. Jean Coppens lui-même, dans un article un peu rétrospectif, il explique que c'est un moment de libéralisation dans l'Orstom, en 1983, que se fonde l'unité de recherche, qui va être labellisée « Travail et travailleuse de l'industrie dans les pays du Sud ». Et donc, c'est de cette unité de recherche que proviennent toute une série de travaux, en fait, enfin la plupart des travaux auxquels on peut se référer en français là-dessus. Donc, comme membre, on a Michel Agier, anthropologue, Robert Cavanne, anthropologue, Jean Coppens, Alain Maurice, j'arrête de dire anthropologue parce qu'en fait, tout le monde l'est. Michel Agier, Robert Cavanne, Jean Coppens, Alain Maurice, Monique Selim. Jean Bazin, c'est plus Laurent Bazin, c'est plus il tard. Est en thèse après, avec Gérald Tab et Monique Selim. Et donc c'est un peu plus tard, ouais. D'accord, mais juste pour une petite parenthèse, la génération avant d'anthropologue, on va dire, anthropologie économique marxiste des années 70, elle est finalement, c'est plutôt les gens qui font de l'histoire presque. Ils sont quand même beaucoup sur l'Afrique précoloniale, notamment, je sais pas, enfin, Meyassou, Pierre-Philippe Ray et autres. Et donc il y a quand même une école d'anthropologie économique marxiste, mais qui paradoxalement travaille pas tant que ça sur les mondes ouvriers ou vraiment à la marge, quoi. Je sais pas, Ouais, ouais, ce qui est mais. très fort, c'est l'influence théorique qu'ils vont avoir, qui Oui. va être énorme, parce qu'ils ont une influence théorique très très forte sur des travaux qui ensuite vont être Voilà. écrits par d'autres. Mais leurs préoccupations sont plus générales, quoi, d'arriver à formuler en général l'articulation entre le capitalisme et les sociétés africaines, et les alliances sociales qui se créent autour de ça, les formes de mobilisation du travail. Moi, Meyassou, je le considère comme vraiment important. Et je l'ai pas mal utilisé, en cherchant, bon, on va dire plutôt à l'utiliser pour aiguiller la manière de faire de l'ethnographie sur le travail dans les plantations. Mais il est vrai que c'est pas, comment dire, il n'est pas connu pour un terrain en particulier, bon, sauf sur les Gouro au début, c'est une population de la Côte d'Ivoire, mais ce que je veux dire par là, c'est que son influence, elle est énorme, mais elle est surtout une influence politique et théorique, quoi. Bon, bref. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne non seulement qu'il y a cette polarisation. Dans le champ des études en France, que par ailleurs l'influence du coup elle est surtout théorique, mais que troisièmement il y a un peu l'unité de recherche dont je suis en train de parler qui a donné le bouquin phare, enfin la somme phare, c'est Classe ouvrière d'Afrique noire. Après il y en a un autre, Classe ouvrière d'Afrique noire c'est en 87, après il y en a un autre qui s'appelle L'État face à l'informel, et encore un autre qui s'appelle Salariés et entreprises dans les pays du Sud. Donc pour ce qui nous concerne, salariés et entreprises dans les pays du Sud, c'est une autre somme et qui paraît en 95 et qui marque aussi la fin en fait de l'unité de recherche. Donc ça aura duré 12 ans. Et ce qui est très paradoxal, c'est la chronologie si vous regardez. C'est-à-dire qu'au moment où l'unité de recherche se lance, elle est déjà en porte-à-faux avec l'intemporalité dans laquelle elle se lance. Parce que dans d'autres domaines de recherche, les problématiques sont en train de changer. Mais surtout, sur le continent africain, il est en train de se passer la crise des modèles économiques qui s'était mis en place. Après les indépendances, et déjà les premières mesures de rigueur puis d'ajustement structurel. Et donc, et auxquelles correspondent aussi, parce qu'en fait tout ça est un peu lié, une reformulation des objets de recherche qui va mettre en porte-à-faux directement en fait cette équipe. Et donc, c'est quelque chose de particulier. Bon, en gros, en France, s'est lancée une problématique de recherche et a été financée une problématique de recherche au moment où celle-ci était en passe de s'effondrer. Et donc, c'est pour ça que la postérité n'est pas très grande, et c'est pour ça aussi qu'il y a eu assez peu de terrain. Même si Michel Agier, par exemple, a fait du terrain au Cameroun, qui est, enfin, sur les usines, et que c'est très intéressant. Mais bon, on peut dire qu'on est vraiment un parent pauvre de la discussion, et ça reste le cas aujourd'hui. C'est aussi l'intérêt justement du programme que vous avez lancé, quoi. Et donc, dernier temps de ma présentation, c'est du fait de ces coordonnées, que les tentatives de relancer la problématique du travail et des travailleurs-travailleuses sur le continent africain comme objet de recherche, s'est fait quand même dans une certaine discontinuité dans les années 90 et 2000. Et donc pour terminer, je vous présente quelques-unes de ces pistes, de ces démarches qui ont été tentées et dont la postérité est plus ou moins grande. En ce qui concerne les recherches, enfin la recherche française, c'est essentiellement en anthropologie qu'on a eu qu'on a eu le redéveloppement, la redécouverte du travail, on va dire, dans les années 90 ou 2000 ou plus récemment. Donc d'abord, je vous présente simplement quatre démarches, enfin quatre pôles de démarches en fait qui regroupent un petit peu tout le monde. La première, c'est des anthropologues, par exemple Jean-Pierre Olivier de Sardan, qui critiquent, qui entreprennent de critiquer la catégorie qui est désignée comme informelle, ou aussi le tropisme auquel elle correspond en termes de formulation d'objets de recherche, qui sont systématiquement des objets non canoniques, des objets qui seraient systématiquement floutés par le caractère mouvant de la réalité sociale. Enfin, si vous voulez, un argument très fort de Jean-Pierre Olivier de Sardan, ça ne concerne pas le travail en tant que tel, mais ça concerne l'étude de l'État, en disant qu'il faudrait par exemple d'arrêter d'utiliser l'État en oubliant qu'il y a des fonctionnaires. Et donc d'étudier seulement l'État sorcier, l'État failli, l'État faible, l'État, etc., avec X qualificatifs, c'est pas suffisant, il faut aussi voir l'État au concret. Bon, et ces démarches-là, elles ont quand même un intérêt, parce que du coup, appliquées à d'autres domaines, enfin, à des domaines de la vie sociale, justement comme à l'informel, elles ont redonné lieu à des relectures. Par exemple, je pense Et c'est quelque chose, il y a eu un appel à la communication assez récent de Thomas Birschenk et José María Muñoz là-dessus, aux recherches sur les entrepreneurs. Et donc à voir comment est-ce que, certes, dans cette vaste catégorie de l'informel, mais il y a des itinéraires qui sont suivis, qui mobilisent du travail, des compétences, et d'étudier ces itinéraires-là. Bon, le terme d'itinéraire, il est aussi dans les recherches qui ont été menées par Peter Goetscher et Pete Koenigs sur les itinéraires d'accumulation. C'est-à-dire que là, on voit du travail aussi. Mais on pourrait dire que le travail est quand même assez connexe dans ces problématiques-là. Et on pourrait souligner aussi que les travailleurs salariés, du coup, ont été assez écartés, évacués comme objet, quoi. Ce n'est pas le cas d'un deuxième courant qui, pour le coup, a déplacé la focale un peu différemment en s'intéressant cette fois aux entreprises. C'est-à-dire qu'il y a une anthropologie de l'entreprise qui s'est développée dans les années 90, qui était portée justement en fait la thèse de Laurent Bazin, dont parlait Alexis à l'instant. Laurent Bazin est anthropologue et il fait sa thèse sur une entreprise agro-industrielle en Côte d'Ivoire. Et sa thèse, après, il l'a publiée, ça s'appelle Entreprise politique et parentée. Et entreprise politique parentée, c'est une tentative, enfin, oui, c'est une tentative d'étudier l'ensemble des rapports sociaux dans l'entreprise. Donc, justement, le travail est un peu subsumé aussi derrière ça, hein. Mais les rapports sociaux entre cadres et ouvriers, cadres africains, cadres expatriés et ouvriers, toute cette triangulaire et la manière dont différentes, enfin, d'où se structure la légitimation de l'ordre dans l'entreprise ou sa contestation. Et donc, avec une proposition importante qui est de faire de l'entreprise un objet d'étude pour l'anthropologie. Et ça, c'est quelque chose qui est important et qui, vous voyez, continue à faire de ces thématiques liées au travail des thématiques qui questionnent des frontières aussi dans la répartition des objets entre les disciplines. C'est Gérard Altab, notamment, qui est l'inspirateur de l'ethnologie du présent, qui est le directeur de thèse de Laurent Bazin. Et qui participe ou qui anime avec Monique Selim, pardon, ce mouvement. Bon, la troisième piste dont je veux vous parler, c'est une piste qui part en fait d'une critique des difficultés insolubles que pose la question de la conscience, la notion de conscience, en disant en fait, on n'arrive pas à travailler cette notion de conscience, puisque si on part de cette. Si on considère la conscience comme un concept, en fait, on ne peut pas s'exonérer d'un présupposé qui est celui qu'il existe dans la réalité objective quelque chose qui va générer cette conscience. Et donc, si on veut réussir à se libérer de ce présupposé objectiviste, disent ces chercheurs qui sont notamment sous l'influence de Sylvain Lazarus, qui est un anthropologue du travail, qui voudrait étudier le travail après ce qu'il appelle le classisme. Bon, et donc leurs travaux cherchent à restituer non plus la condition ouvrière, mais l'espace d'intellectualité, essayer de percevoir la différence, c'est-à-dire que c'est non plus la condition ouvrière comme quelque chose qui prédisposerait à, mais c'est l'ensemble des imaginaires et des représentations de soi qui sont portées par les ouvrières ouvriers dans un contexte donné. Là, je pense par exemple à la thèse de Judith Ayem, enfin, qu'elle a intitulée La figure ouvrière en Afrique du Sud. Et donc, la figure ouvrière en Afrique du Sud, c'est une thèse qui porte sur les représentations de leur position sociale, comment dire, de la transition politique en Afrique du Sud, les représentations qui sont forgées par les ouvrières ouvriers en Afrique du Sud et qui donc documentent aussi un regard porté depuis les usines sur la transition post-apartheid en Afrique du Sud. Vous voyez, c'est l'idée, c'est de restituer l'espace d'intellectualité de ces ouvrières ouvriers quelque part. C'est pas dans le domaine, enfin c'est pas dans la recherche française, mais le livre de James Ferguson qui s'appelle Expectations of Modernity, c'est-à-dire qui prend pour objet les discours qui sont portés par les ouvriers ou ex-ouvriers surtout des mines en Zambie. Expectations of modernity, on peut traduire ça par quoi? Par espoir, mais je ne sais pas si ça se traduira le mieux par espoir ou expectative vis-à-vis de la modernité, le sous-entendu étant que cette modernité n'a pas tenu ses promesses, quoi. C'est-à-dire que les mines étaient censées porter une transformation de la Zambie en un pays qui aurait été dont les rapports sociaux auraient été changés de fond en comble par le développement économique, quoi, et que ça ne s'est pas fait, mais que les mineurs en particulier étaient les porteurs de représentations qu'il faut étudier en tant que tels pour voir quel point de vue ils portent aujourd'hui sur la société et sur leur position dans cette société, sur la société zambienne et sur leur position. Donc l'idée est d'étudier les travailleurs, travailleuses en la libérant, enfin, d'avoir une étude des travailleurs-travailleuses, pardon, qui soit libérée de tout présupposé prescriptif ou essentialiste vis-à-vis de la position sociale occupée par ces travailleurs et travailleuses, quoi. Bon. Et dernière piste, avant de conclure, la dernière. Reste pas mal de choses. Non, mais après, je vais il est même pas 5 heures. Ça va? 5 heures moins 5. Ok. Ok, ok. Bon, dernière piste qui a été suivie, c'est simplement pour vous montrer qu'on est en fait dans une reconstruction qui est plus par différentes tentatives, quoi. Et que après, si on veut réfléchir, en plus, ces pistes, la plupart du temps, elles datent, c'est des travaux qui ont déjà une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. Mais néanmoins, après une telle problématique et après avoir. comment dire, après avoir été tellement constitué comme un objet qui allait de soi, du coup, les ouvrières, ouvriers dans le continent africain, ils génèrent toute une série de prises d'opposition qui, à mon avis, sont quand même intéressantes pour continuer à baliser l'espace. Donc, dernière de ces prises d'opposition post-classiste, si on veut y parler comme Lazarus, c'est la tentative de refonder une anthropologie du travail en Afrique, travail entendu en tant qu'action. En tant qu'action, je le mets entre guillemets parce que c'est ce que dit Monique Lacroom. Qui est l'anthropologue. Et donc, quelle est l'idée? L'idée est de dire cette focalisation sur les travailleurs, travailleuses salariées sur le continent africain et sur la promesse de changement social qu'elles étaient censées incarner, a fait oublier que le travail, c'est une activité. Et que donc, il faut l'utiliser comme action et comme système d'action. Jean Coppens dit quelque chose qui n'est pas tout à fait sans s'inscrire dans ce mouvement-là, et même en en étant assez éloigné, parce que finalement, ce mouvement d'anthropologie du travail, il y a un livre qui s'appelle Le travail en Afrique noire, qui sort en 1995 aussi, et qui est dirigé par Monique Lacroom. Finalement, ce mouvement, il va s'éloigner pas mal quand même de l'étude du travail manuel et salarié. Ils vont étudier essentiellement soit des petits commerçants, soit des caravaniers, par exemple, enfin des gens qui travaillent dans voilà, comment ça s'appelle, les caravanes de dromadaires, là. Les gens qui conduisent ces caravanes-là. Et bon, c'est extrêmement intéressant. Ils montrent tous les calculs et du coup l'univers mental qu'on est obligé de créer quand on est contraint à tel élément technique et en même temps à telle temporalité et à la valorisation de ces produits. Enfin, en fait, ils recherchent à représenter le travail comme un système technique qui est contraignant et qui est du coup pris en charge par les acteurs. Bon. Mais Jean Coppens, je disais, ne s'inscrit pas dans ce mouvement-là, mais il dit quelque chose qui est quand même assez proche en disant, j'ouvre les guillemets, « Les sciences sociales africanistes ont imaginé un ouvrier qui fait plus grève qu'il ne travaille, qui s'efforce de penser politiquement au lieu de vivre au jour le jour. » Bon, tout ça pour dire que cette quatrième piste, elle vient, comme les précédentes, questionner ce qui était aussi un angle mort, en fait, des études précédentes, au même titre que, voilà, on étudiait les travailleurs sans trop s'intéresser à l'entreprise. On étudiait pas assez l'espace que Judith Ayem appelle l'espace d'intellection propre aux ouvriers, etc. Donc là, c'est on étudiait pas assez l'activité de travail. C'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on peut entendre. Néanmoins, voilà, la question, c'est au même titre que la première piste là, sur les entrepreneurs et donc de questionner cette catégorie d'informel et les frontières entre le formel et l'informel, le problème, c'est de ne pas perdre ce que c'est que l'expérience du salariat, la salarisation comme processus, de ne pas la perdre de vue comme ne serait-ce que comme objet empirique, quoi. Je pense que c'est la question qui se pose à ces travaux. Bon, quelqu'un qui, tout en s'inscrivant dans l'anthropologie du travail, justement continue à s'intéresser au salariat, c'est l'anthropologue Jean-Bernard Ouédraogo, qui est un Burkinabé, qui a quand même une particularité, c'est que il est associé à ce qu'en France on appelle l'école nantaise de sociologie, qui a particulièrement étudié le travail et les classes populaires. Il est dirigé par Michel Véret pour sa thèse. Et c'est assez intéressant, à nouveau, ce genre de croisement, ou je dirais peut-être mieux dit, le genre de croisement que provoque l'intérêt pour le travail dans les études africaines. Vous voyez que ça se porte à nouveau. Bon. Donc, en fait, on avait, dans la génération précédente de la littérature, qui en fait représente 80% des travaux existants, quand même, j'avais pas dit, il faut être un petit peu, il faut parler un peu des quantités, parce que du coup, entre les 70 et 80 s'écrivent voilà, les 4/5 de ce qu'on a sous la main. C'est une littérature qui peut nous apporter beaucoup, mais qui avait complètement porté assez peu d'attention à la fois vers les subjectivités et à la fois vers l'activité matérielle de travail. C'est vrai que c'est intéressant de souligner les deux, parce que quelque part, quand on s'intéresse à l'ouvrier comme promesse sociale, ou comme vecteur de changement, et bah du coup, deux éléments au plus près, enfin quelque part au plus près des subjectivités et du quotidien et de l'activité du travail comme pratique, quoi, passent un petit peu sous les radars du fait de ce prisme de la classe en formation, de la fabrique d'une classe sociale, quoi. Mais reste, malgré toutes ces, enfin malgré les quatre pistes que je viens de vous citer, ce qui reste à dire et ce qui est important à retenir quand même, c'est que si aujourd'hui il y a un renouveau des recherches sur le travail et sur les travailleurs en Afrique, c'est quand même essentiellement ailleurs qu'il se situe, pas depuis ces pistes-là, mais plutôt justement depuis l'histoire globale du travail, dont le livre General Labour History of Africa est une synthèse. Donc le livre dont je vous ai parlé au tout début de mon intervention, ça c'est à nouveau pour parler un peu des volumes, parce que bon, je te vois acquiescer Alexis, mais c'est clair que par exemple quand vous relancez votre projet, tous les trois, ou moi quand j'écrivais ma thèse, parce que c'est aussi mon expérience, voilà, on est quand même dans un champ académique qui depuis plusieurs années s'intéresse assez peu à ces thématiques-là, alors même, et c'est là où on voit il y a des effets de socialisation scientifique, parce que alors même que si on était... dans d'autres pays, en fait, c'est un champ qui a rené, qui s'est redéveloppé dans les dernières années. Depuis la fin des années 90, il y a eu toute une vague de travaux en histoire globale du travail. Et même, on pourrait dire, je crois, que un certain nombre de synthèses en histoire globale du travail, notamment Marcel van der Linden a écrit deux synthèses d'histoire globale du travail. Andreas Eckert a aussi écrit un livre qui s'appelle, je ne sais plus comment... dans Global Histories of Work, voilà, ça c'est André Seckert en 2016. Donc vous avez toute une série de synthèses comme ça, et on se rend compte que des historiens qui ont été pendant plusieurs années labellisés comme historiens du travail en Afrique, ou dans les pays du Sud, mais en particulier en Afrique, sont aujourd'hui les animateurs d'un courant d'histoire globale du travail qui dépasse l'Afrique. Et donc là c'est intéressant parce que finalement des problématiques, et Marcel van der Linden s'en explique. Marcel van der Linden, il est directeur de l'Institut international d'histoire sociale à Amsterdam, qui est donc en fait un endroit où c'est... Il était. Ah ouais, bon, il est retraité. et bon, mais ce que, en fait, je me trompe, mais ce que je veux dire, c'est que il y a une aspect d'inégalité entre les champs et l'histoire globale du travail telle qu'elle est, elle s'est formulée. En fait, c'est beaucoup inscrit dans les travaux qui avaient porté sur le continent africain. Donc, il peut y avoir des trous, des moins, etc. Mais il faut voir qu'il y a aussi des plus. Il y a aussi des choses qui existent, quoi, et qui sont importantes. Et notamment, ces problématiques, justement, sur l'enchâssement des différentes formes de travail. Aussi, des choses qui sont dites en histoire globale du travail, en dehors du continent africain, sur, par exemple, l'informalisation des économies aujourd'hui. Est-ce que ça pose comme problème sur les rapports entre le salariat et l'extérieur du salariat? Les questions de précarité, de fluidité des différentes formes de travail qui sont pratiquées par les individus. En fait, elles sont, comment dire, dans la suite de réflexions qui ont pu se mener, qui se mènent aujourd'hui sur des terrains occidentaux, mais qui ont pu se mener ailleurs. Et quelque part, il y a un mur de séparation dans la manière dont on pense le travail entre les pays du Nord et du Sud, qui a vocation à tomber, ou peut tomber, peut être mis en question, on va dire, et l'est en partie par cette histoire globale du travail. Bon, ça c'est à mon avis un point fort. Un autre point fort de ce mouvement d'histoire globale du travail, qui donc est assez ancré quand même sur le continent africain, c'est ce que disent André Seckert et Stefano Bellucci, que c'est un mouvement qui a permis de développer la phase thomsonienne. Alors je vous explique pourquoi ils ont dit ça. La phase thomsonienne de l'histoire du travail. Pourquoi la phase thomsonienne? Parce que donc E.P. Thompson a écrit un livre sur la fabrique de la classe ouvrière anglaise. Et donc toutes les monographies dont je vous ai parlé tout à l'heure s'intéressent à la fabrique de telle classe ouvrière nationale. Cette histoire globale du travail, elle pose les questions différemment en se demandant quelles sont les connexions et donc comment penser travail et travailleurs africains ou tout ce qu'on gagne à les penser en dehors d'un imaginaire national qui en fait est assez limitatif quand on pense, quand on connaît aussi l'importance des secteurs comme les transports ou des échanges. Ou du travail migrant et le peu de cas qui est fait des frontières dans le travail migrant. Bon, et quand je vous disais tout à l'heure qu'un certain nombre d'historiens du travail en Afrique étaient devenus, enfin, avaient participé de la formation de ce courant d'histoire globale du travail, l'un d'eux s'appelle Bill Freund. Alors, parmi les erreurs, justement, dans ma thèse, moi, je disais que c'était un historien sud-africain. Et puis, lors de ma soutenance, on m'a appris que c'était un historien américain qui n'avait pas eu le droit de bosser aux États-Unis parce qu'il était marxiste et qui, donc, a fait toute sa carrière en Afrique du Sud. Mais n'empêche que Bill Freund, il a été inscrit pendant longtemps dans un courant de, enfin, comment dire, un domaine de recherche en Afrique du Sud qui est assez particulier. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud a sa propre historiographie du travail, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a tellement de travaux qu'à un moment donné, on est spécialiste de l'Afrique du Sud, quand même, quand on est là. Voilà. Et il y a une idée que, ça c'est justement Bill Frond qui le souligne, avec d'autres qui s'appellent Jonathan Hislop, Lucien van der Waalt et Philippe Bonheur. Et en fait, c'est donc des historiens du travail qui travaillent sur l'Afrique du Sud. Et ils disent, attention, parce qu'il y a un certain nombre de problèmes qu'on pensait être des problèmes spécifiquement sud-africains, bah, typiquement les problèmes de race et travail, segmentation des lieux de travail par la race dans le cadre de l'apartheid, ou migration, qui en fait seraient mieux lus en les comparant à ce qui peut se passer en Inde, en Indonésie, je sais pas, dans l'automobile en France. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a une rupture, et donc du coup il y a une relecture en cours de cette historiographie qui est très forte, quoi. Un dernier point, et après j'arrête d'encenser l'histoire globale du travail, parce que moi j'ai mes critiques qui est qu'à mon avis justement il faut s'intéresser à ce que fait le salariat en particulier, sans en postuler la séparation, mais que c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Tout à l'heure tu disais, bon ben j'y viens, mais quand tu disais c'est que 8 ou 9% au Burkina Faso, c'est quand même beaucoup de monde justement. On peut le voir. J'ai dit qu'il fallait l'aborder comme un groupe social à part entière, même s'il n'est pas isolé et coupé, mais faut. Voilà, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut voir les 9 dixièmes vides, on peut voir le dixième plein, quoi. dernier élément qui, à mon avis, est intéressant quand même, qui d'ailleurs dépasse l'histoire globale du travail, c'est que désormais, il y a cet ingrédient nouveau dans l'analyse théorique qui est de dire. La manière dont. Enfin, vous savez qu'il y a toute une série de réanalyse du capitalisme. En fait, c'est des analyses qui s'intéressent pas mal à ce que c'est, enfin, au rapport entre le capitalisme et les sociétés africaines ou pas que africaines. Et ce qui est dit, c'est-à-dire qu'il faut s'intéresser tout autant à l'exploitation qu'à la dépossession. Il y a ce concept de dépossession en fait qui se répand beaucoup, enfin qui est de plus en plus employé et qui me semble intéressant justement pour abattre les frontières théoriques, enfin les mauvaises frontières théoriques entre le travail salarié et le travail non salarié, parce qu'il n'est pas sûr qu'il n'y ait pas de dépossession dans le travail salarié lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail gratuit qui se cache dedans. Et aussi, ça permet de penser ensemble les formes de travail sans les mélanger, sans avoir besoin, pour les penser ensemble, de cesser d'en penser la spécificité. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est très souligné, l'importance de la dépossession. Vous voyez, en fait, si, par rapport au débat marxiste plus classique, c'est quelque chose qui revient à dire que l'accumulation primitive de Marx n'est pas un phénomène qui a été daté dans le temps et qui serait marqué, donc, par exemple, par l'esclavage, et un colonialisme de extractif, quoi. Mais qu'en fait, les formes extractives du capitalisme se maintiennent et que l'accumulation primitive, c'est un phénomène persistant. Et que donc, toute une série de formes de travail et de mise au travail dans les pays du Sud sont liées à cet extractivisme qui persiste. Bon, ça, c'est dit par l'histoire globale du travail. C'est un des arguments pour l'entanglement, l'enchâssement des formes de travail. C'est aussi souligné par des gens qui veulent fonder... À mon avis, c'est encore un champ de littérature un peu émergent, un peu moins constitué, mais qui veulent fonder une anthropologie globale du travail. Et il y a deux anthropologues, du coup, Auguste Carbonella et Sharon Casimir, qui ont publié un livre récemment qui s'appelle « Of Blood and Fire », et ils reprennent en fait l'expression de Marx « dans le sang et le feu », de dire en fait le capitalisme continue à se forger dans le sang et le feu. Et c'est vrai que quand on étudie des plantations comme moi, alors je veux bien croire que c'est un peu un cas limite, mais on voit bien qu'il y a de la dépossession. Il n'y a pas que le travail sur le lieu du travail qui compte. Il y a comment on fait venir les gens, comment on sollicite une force de travail toute prête. Il y a plein de questions. Comment le travail domestique, voilà. Il y a plein de questions en fait qui sont un petit peu comment dire, qui questionnent, voilà, l'en dedans et l'en dehors de la mobilisation du travail par les grandes entreprises ou par l'État. Pour conclure, vous voyez que se demander. J'espère que j'ai été à peu près clair, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de choses que j'ai abordées. Mais j'essayais à la fois d'aborder beaucoup de choses et de donner quelques propositions, hypothèses de lecture, en fait, de cet ensemble. Mais vous voyez que c'est plus un archipel plein de petites îles plutôt qu'un continent homogène, quoi. La littérature sur le travail et les travailleurs. En même temps, c'est possible quand même, je crois, de tracer des périodes et de voir des problématiques par période. D'ailleurs, enfin, en général, la périodisation que j'ai utilisée, je ne l'ai pas inventée, c'est-à-dire que c'est des grilles de lecture qui ont été forgées à plusieurs. Il y a pas mal de ça corrobore, on va dire, la périodisation de la littérature que j'ai faite corrobore, je voulais citer un chemin faisant, d'autres périodisations. Mais donc ça, c'est une première conclusion, c'est qu'il y a quand même un côté un peu éclaté, avec néanmoins des problématiques communes. Une deuxième conclusion, je pense qu'on peut souligner, c'est que les incursions réciproques depuis la sociologie du travail ou des classes populaires sur les mondes occidentaux vers le continent africain, et réciproquement, quand Paul Mercier et Georges Balandier disent qu'il faut arrêter de, enfin qu'il faut unifier les problématiques et s'intéresser à des objets qui sont restés jusque-là les objets propres de la sociologie du travail et en dehors des terrains africains. Donc ces incursions réciproques, pour essayer de briser les frontières, elles sont restées, comment dire, leur postérité a été assez limitée, et que du coup le travail continue à être un objet qui peut-être questionne des frontières. Par exemple, enfin, c'est pas, il n'y a pas besoin d'être grand connaisseur des études africaines pour savoir que la sociologie, dans le mix disciplinaire, dans le partage disciplinaire interne aux études africaines, est un peu le parent pauvre, quoi. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, est assez enchâssé dans cette question de la postérité de l'objet de travail, quoi. Maintenant, troisième conclusion que je voudrais mettre en avant, c'est que il faut qu'on arrive à réfléchir au travail et aux travailleurs à ces questions en fait qui sont portées par ce séminaire, en considérant que elles sont pas définitivement associées aux différentes formes de prescriptions qui ont pu être attachées à l'objet précédemment et que j'ai essayé, dont je vais essayer de vous faire l'histoire. Ça, c'est-à-dire aussi bien les prescriptions de la première génération de la littérature dont je vous ai parlé, que de celle de la deuxième. Je vous dis ça parce que, c'est aussi mon expérience. C'est-à-dire qu'en travaillant, en voulant travailler sur des ouvrières, ouvriers, en employant ce terme-là, en fait, je crois que le terme particulièrement est chargé, je me suis souvent heurté à l'idée que mon boulot était vintage ou que, voilà, que. Oui, mais si, quand même, j'y suis souvent heurté, quoi. C'est-à-dire que, nécessairement, j'étais en train de vouloir. Enfin, me poser les mêmes questions et y répondre de la même manière qu'une littérature que la littérature précédente. Bon, ce qui d'ailleurs est pas un mal en soi, j'ai un peu, je pense. Mais ce que je veux dire, c'est que il faudrait pouvoir relire et réaborder ces objets-là sans nécessairement le penser, voilà, comme une espèce de revival de recherche précédente. Parce que le problème, à mon avis, c'est que le peu de cas qui est fait de la question du travail salarié, des travailleurs salariés dans les sociétés africaines aujourd'hui, risque quand même de déboucher sur un défaut de connaissance, y compris un défaut de connaissance empirique, quoi. Dans un moment, et c'est donc mon troisième point de conclusion que je veux souligner, dans un moment où le salarié est en train de regagner un peu en importance, alors dans les sociétés africaines, je veux dire objectivement, il ne faut pas manquer. Sans l'exagérer, il ne faut pas manquer de souligner que, en gros, depuis le milieu des années 2000, la dynamique économique en moyenne, quoi, du continent africain et donc d'un grand nombre de sociétés africaines, s'est un peu inversée. Ça fait une quinzaine d'années qu'il y a de la croissance. En moyenne, depuis 2000, il y a 4,6% par an de croissance dans les pays africains. Donc c'est pas comme il y a souvent des discours en fait qui sont des discours très négatifs qui sont portés sur la dynamique économique des pays africains et qui donc masquent ça. Il y a aussi le primat de problématiques comme le religieux ou la violence, etc., qui peuvent être amenés à développer un regard. Il y a aussi le regard inverse, hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi un certain nombre de magazines qui ont titré sur les conséquences de cette croissance et sur l'Afrique. Et puis voilà, il y a une exagération aussi des conséquences de cette croissance. Et puis vous savez peut-être que toute une série de régimes ont donné une date pour laquelle le pays deviendrait un pays émergent. Pour le Cameroun, c'est le plus tard, c'est en 2035, ça laisse le temps. Mais pour d'autres, c'est l'année prochaine. Pour le Gabon, c'est l'année prochaine, c'est en 2020. Donc voilà, donc il y a eu tout, je veux dire. Mais néanmoins, il faut, tout en se départissant de tout ça, Il y a une expansion reconnaître quand même que voilà, de la il société. y a, y a une vague d'investissement. Pour le Cameroun que je connais, cette moyenne de 4,6% par an, elle est à peu près, enfin le Cameroun est à peu près dans la moyenne, mais il y a eu une multiplication par 7. Si vous prenez 2000-2010 et 2010 aujourd'hui, il y a 7 fois plus d'investissements directs étrangers dans ces 10 dernières années que dans les 10 années précédentes. Il y a eu un retournement en fait de conjoncture économique qui est assez fort depuis 2008 et il en découle une augmentation en volume. Du salariat, mais aussi en proportion. C'est-à-dire que moi, je le formulerais comme ça, parce que c'est très porté par des secteurs comme le bâtiment, les plantations, le gardiennage, des secteurs en fait qui sont des secteurs qui drainent pas mal le monde dans les classes populaires. Et donc, il y a une augmentation de la fraction salariée des classes populaires. C'est comme ça que moi, je le formule dans ma thèse. Mais c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que l'emploi formel, parce que souvent, l'emploi salarié, enfin, c'est pas tout à fait exactement pareil, l'emploi salarié et l'emploi formel, mais néanmoins, la particularité, souvent, c'est qu'il y a une formalisation, quoi, il y a une légalisation des rapports de travail quand on passe au salariat. Bon, et ben, au Cameroun, ces emplois formels ont augmenté de 54% entre 2009 et 2016. On est passé, en gros, de un peu moins de 600 000 à un peu plus de 900 000 emplois. Et c'est une augmentation qui va beaucoup plus vite que l'augmentation démographique et qui témoigne du coup d'une prise d'importance. Bon, ça veut dire qu'on est autour de 10% de la population active, c'est pas beaucoup non plus. Même si c'est un peu plus, je crois. Voilà, ça croît, ça croît. Et ça me semble important du coup à souligner. Donc parce qu'aujourd'hui, quand on parle des ouvriers ouvrières en Afrique, on parle de nouveaux sites de travail, de la réactualisation d'anciens sites de travail. Et quelque part, ce qui était dit... Parce que pourquoi est-ce que le travail... Enfin, je vais essayer de le formuler clairement. Mais donc, il y a de nouveaux terrains. Il y a la réactualisation d'anciens terrains. Au milieu des années 2000, justement, un peu avant ce retournement de conjoncture, il y a eu un livre qui n'est pas le livre le plus marquant de cet auteur qui s'appelle James Ferguson, mais qui a quand même pas mal marqué sur la manière dont on se représente les formes du capitalisme en Afrique. C'est un livre qui s'appelle « Governing Extraction ». Et qui ensuite a été très cité parce qu'il a été publicisé par James Ferguson dans un petit papier qui s'appelle Sing Like an Oil Company. Donc en gros, voir comme une direction de compagnie pétrolière. Et où en fait, il engage un débat avec James Scott en disant il n'est pas vrai que les États africains et que tout type d'État cherchent en permanence à scruter le territoire et à l'administrer. En fait, les formes du capitalisme contemporain en Afrique, c'est des formes extractives où... Il y a de moins en moins besoin pour les investisseurs de se lier aux sociétés d'accueil. Et donc, on a de plus en plus des formes extractives donc qui extraient de la valeur sans avoir besoin de mobilité de travail. Et c'est pour ça que les sociétés restent à l'écart. C'est une problématique qui, à mon avis, est intéressante à questionner, mais qui, quand on la généralise, fait croire des choses qui sont fausses sur les sociétés africaines contemporaines. Justement, ne fait pas voir que toute une série de ces investissements se concrétisent dans la création de milliers, dans le drainage de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers d'emplois et de travail. Et ça, c'est quelque chose d'un petit peu problématique, quoi. Et donc, il y a une discussion à mener autour de cette conception sans travail de l'extractivisme, quoi. Et enfin, quatrième point de conclusion, et après, j'aurai vraiment terminé, c'est que remettre l'ouvrage sur le métier, en ce qui concerne le travail et les travailleurs sur le continent africain, c'est aussi une sacrée occasion de réflexivité, il me semble, pour les sciences sociales en études africaines, à la fois parce que ça permet de faire ce que j'ai tenté de faire là, en espérant être clair, une histoire de l'évolution des regards qui sont portés sur le travail et de la construction de cette catégorie, mais aussi parce que la somme des travaux antérieurs permet de faire quelque chose qui est, à mon avis, assez intéressant en sociologie du travail, mais peut-être au-delà, mais qui a été proposé par Michael Burawoy, qui est de faire des revisites. C'est-à-dire qu'en fait, comme on dispose d'un certain nombre de travaux et qu'il y a quand même une pérennité quelquefois assez exceptionnelle des lieux de travail, on dispose de travaux de recherche, par exemple sur des gares ou sur des ports qui existent encore, sur des mines qui existent encore, sur des plantations qui existent encore. Et donc, la méthode de Michael Burawoy de revisite, en fait, elle paraît... Enfin, je pense que vous avez peut-être jamais entendu parler de ça. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que la revisite? C'est Michael Burawoy qui dit le problème de l'ethnographie, pour nous sociologues, et il dit que les anthropologues sont bien meilleurs, mais je vous passe, mais ça va être la conclusion. Il dit que les anthropologues sont bien meilleurs là-dessus. Mais le problème de l'ethnographie, c'est qu'on a tendance à penser que tout se fait au présent. Et que donc, ce qu'on observe, on fixe ce qu'on observe dans une espèce de présent atemporel, sans se rendre bien compte, parce qu'on est là qu'à un moment, l'historicité, c'est-à-dire l'ancrage dans des dynamiques historiques, de ce qu'on voit. Et la façon de ne pas être dupe de soi-même et de ne pas tomber dans ce présentisme, c'est d'arriver à retourner. Il dit que ce n'est pas très bankable, ce n'est pas très vendeur à l'université aujourd'hui de dire qu'on va refaire la même recherche que son prédécesseur. Mais lui, il a eu la malchance de le faire sans se rendre compte au début parce qu'il était allé faire sa thèse sur une usine et il s'est rendu compte que 30 ans plus tôt, il y avait quelqu'un, la boîte était anonymisée, donc il n'avait pas pu savoir, mais qui avait déjà fait sa thèse là-dessus. Résultat, il en a tiré énormément de choses. Il s'est rendu compte de plein de choses parce que tous les deux avaient fait de l'observation participante et il s'est rendu compte de plein de choses. Et il me semble qu'on a une bibliothèque, en partie oubliée, mais qui pourrait se nourrir beaucoup, justement sur un objet qui est aussi investi de prescription. C'est aussi ça le problème, en fait. On pourrait se nourrir beaucoup de revisites qui témoignent de l'évolution ou pas, des changements, de ce qui change et ce qui ne change pas, des mouvements et de la dynamique quoi, qu'il y a sur les lieux de travail, et aussi de l'importance que peuvent prendre les lieux de travail dans l'histoire contemporaine des sociétés africaines, chose qui est peut-être un peu quelquefois minorée, ou en tout cas dans un dernier temps de la littérature a été plutôt minorée. Voilà, et ça donne aussi un petit peu son importance au séminaire. Et vous, si vous regardez le programme du séminaire dans l'année, c'est ce que je disais à Sidi quand on se voyait vendredi, vous verrez qu'un certain nombre d'auteurs que j'ai cités, et que aussi le fait que beaucoup de travaux proviennent d'auteurs anglo-saxons, se retrouvent dans le programme du séminaire. Et donc ce séminaire, c'est un côté, je parle pour vous, c'est peut-être pas poli, hein, mais il y a un côté socialisation, je trouve, qui témoigne bien en fait de l'état du champ de recherche. Oui. Ouais, voilà. On fait avec l'existant aussi. Hein. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est, du coup, ça en fait un lieu d'échange assez intéressant, quoi. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Moi, j'aurais des questions. On va commencer d'abord plutôt par vous. Si vous avez des questions, des remarques, des compléments, des points de clarification, oui. De la croissance. La croissance, c'est pas le développement. Entendons bien sur cet aspect-là, parce que on nous présente tout le temps des chiffres hein, qui sont tirés de grandeur économique proposée par les institutions internationales. Mais sauf que dans la réalité des choses, on se rend compte que le droit de justice sociale, en tout cas, pour vous qui êtes politique, je pense que vous comprenez que à quoi je fais allusion quand je parle de justice sociale, et pas de destruction de richesse. Certainement, il y a de la croissance, mais le changement social peine à arriver parce que, à mon avis, il n'y a pas de justice sociale. Donc, peut-être que vous avez un instrument d'analyse à proposer pour évoquer la relation qui pourrait exister entre le travail et. Ok. Sidi, oui. Oui, vas-y. Comme c'est déjà deux vastes questions, je te laisse y répondre d'emblée. Bah, sur ta question, Sidi, à l'instant, après, ça me laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Mais sur ce que tu dis à l'instant, il y a quand même une grande diversité de ce qu'on appelle le salariat dans les pays occidentaux. Entre le Portugal aujourd'hui, où on travaille beaucoup, où le statut d'auto-entrepreneur c'est extrêmement répandu, et des sociétés salariales, pour, comme dit Robert Castel, plus stabilisées, ou en tout cas qui ont été à un moment donné plus fortes, comme ce qui peut être le cas, c'était le cas en France, c'est clair, c'était le cas aussi au Portugal, mais je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même des formes de travail, et des formes de travail salariés assumées, ou qui sont en train d'être de plus en plus reformulées, différentes. Il y a une diversité quand même qui est très très forte, quoi. Aussi, le poids des conventions collectives et de la structuration par métier en Allemagne, par exemple, il me semble que ça amène en fait quand même des réflexions, une hétérogénéité qu'on aurait tort de voir ensemble. Je suis pas spécialiste, mais je dis ça parce que je me méfie justement de l'homogénéisation d'une part et de l'hétérogénéisation de l'autre entre les sociétés du Nord d'une part et les sociétés du Sud de l'autre. Parce que pour moi, pour ce que j'étudie, voilà, pour parler de ce que je connais le mieux, la relation de travail salarié et les droits qui lui sont associés sont puissamment investis au Cameroun de longue date, quoi. Et bon, je pense que je te dis ça, tu t'en parlais justement vendredi au Sénégal aussi, quoi. C'est-à-dire que je pense que le sans dire que c'est la même chose, parce qu'en fait, quand c'est un rapport social qui est plus distinctif, minoritaire, et du coup, est couvert d'une représentation plus distinctive, c'est-à-dire que même entrer dans les plantations, alors que c'est un travail qui n'est pas qualifié, c'est vu comme quelque chose qui est une destinée minoritaire, distinctive par rapport à ceux qui n'y rentrent pas, quoi, par exemple. Mais néanmoins, c'est pas anodin, en fait, d'accéder, d'avoir une fiche de travail, de payer des impôts particuliers, d'accéder à la CNPS, ça s'appelle comme ça au Cameroun, c'est la sécurité sociale, quoi, de toucher ensuite une pension de retraite. C'est extrêmement investi aussi que ce registre d'appartenir à une grande entreprise. Donc, moi, j'ai travaillé pour, quand on dit j'ai travaillé pour telle grande société camerounaise, travailler pour telle grande société, c'est l'expression qui est employée par mes enquêtés, c'est aussi devoir être reconnu et avoir des droits. Par exemple, la permanence dans l'emploi ou tout le salaire indirect, la prise en charge médicale, etc. Enfin, c'est des choses qui sont profondément investies et qui sont cause de conflits du travail, qui sont cause quotidiennement de conflits du travail. Donc, je pense que bien sûr, on voit bien que ça serait aberrant, en fait, de ne pas voir les différences entre sociétés. Dans l'autre sens, je pense qu'on se coupe trop. Enfin, moi, je disais ça dans un moment, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, quoi, pour l'historiographie, la manière dont on se représente le Cameroun contemporain, le pays sur lequel je travaille, quoi. Et ce qui en est dit, je pense que on voit pas assez à quel point le registre politique qui est associé à l'emploi et au fait d'avoir un emploi, qu'on soit fonctionnaire ou pas, d'ailleurs, un emploi dans une grande entreprise privée, ça marche aussi, est investi de représentation politique et d'exigence et d'une économie morale entre le haut et le bas. Le bas, j'en ai parlé, mais aussi le haut, c'est-à-dire que il est rare qu'il y ait un discours de politique générale de Paul Biya, le président du Cameroun, qui ne s'engage pas à créer des emplois et qui ne fasse pas le compte de la création d'emplois. C'est quelque chose de très important, quoi. Donc, en ce sens-là, bon, je ne mettrai pas de mur tout en étant totalement d'accord pour ne pas plaquer ou quoi. Et sur la première question, pourquoi je disais que ça me faisait plus réfléchir, parce que c'est vrai que moi, je me suis placé dans une posture très descriptive. C'est peut-être ça qui peut même être agaçant, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire, moi, je dis qu'il y a de la croissance, mais c'est vrai que ça ne veut pas dire qu'il y a du développement, ça ne veut pas dire qu'il y a de la justice. Enfin, du développement, mais on peut mettre plein de choses derrière. Mais je me place dans une posture très descriptive en disant les chiffres, ça augmente, qu'est-ce que ça fait dans les trajectoires biographiques, etc. Après, le lien entre salarié et changement social, ce qui est très particulier, enfin, bon, en fait, je suis désolé, je ne veux pas faire de la langue de bois parce que je ne sais pas trop comment répondre. Mais ce qui était marrant pour moi, enfin, marrant, intéressant et assez décentrant pour moi, par exemple, vendredi, on était dans un séminaire en commun avec Sidi, qui est un séminaire qui est animé par des sociologues du travail en France. Et il y avait un doctorant qui a intervenu plusieurs fois pour insister sur le fait que lui, il travaillait sur des gens qui rejettent le rapport de travail salarié en disant que tout vaut mieux que de se placer dans le cadre du salariat et comme on dit, qui tentent des expériences du type Deliveroo ou autre en y trouvant leur compte, en disant que c'est que le salariat a été une illusion qui a au contraire éteint l'autonomie, Bon, et ce qui est intéressant, c'est le côté à front renversé par rapport au discours qui peut être porté sur le fait que il faut qu'il y ait une formalisation de l'économie, parce que ce discours existe quand même sur les pays africains, qu'il faut qu'il y ait une formalisation de l'économie qui serait préalable à la possibilité d'avoir un État plus généreux, plus redistributeur, etc. C'est vrai qu'en fait, ce discours de formalisation de l'économie, en fait, il pose toute une série de problèmes, quoi, de ce point de vue. Mais après, je sais pas comment bien répondre néanmoins, parce que j'ai vu des salariés qui luttent beaucoup, luttent, et ça concerne aussi le syndicalisme et leurs organisations, qui luttent beaucoup pour défendre l'emploi, pour défendre les conditions de travail, les formes de lutte sont très respectueuses, et y compris leur efficacité ou leur légitimation vient beaucoup du fait qu'elles s'insèrent dans le cadre de la grammaire autoritaire au Cameroun, c'est-à-dire le fait de se revendiquer de l'emploi et d'une compréhension patriotique de ce truc-là contre un employeur qui est étranger, c'est aussi, en général, ceux qui portent ces trucs-là, y compris de manière combative dans les syndicats, sont des gens qui sont aussi au parti, au pouvoir, qui est en fait largement dominant, le RDPC, qui occupent des petits mandats localement dans les institutions décentralisées, ou qui sont les représentants des autochtones, c'est-à-dire les gens qui habitent à côté de la plantation et qui investissent l'identité riveraine, quoi. Et en fait, il y a un peu une conformation. Il m'a semblé qu'il y avait un phénomène complexe où se formait en même temps un ordre autoritaire et une conflictualité sociale assez intense. Ou en tout cas, on aurait tort d'opposer trop mécaniquement les deux. Mais du coup, c'est pas très optimiste. Mais enfin, par rapport au changement de la société camerounaise dans son ensemble, c'est pas très optimiste. Mais... Ouais. Oui. Allez-y. Mais si vous n'êtes pas satisfait, je m'excuse. À l'époque, l'esclavage était aboli par des sociétés occidentales qui pratiquaient l'esclavage par les esclavagistes eux-mêmes, comme en France, comme aux États-Unis. Mais je remarque que le travail forcé a été supprimé par le gain du droit introduit par les Africains eux-mêmes. Donc, je voudrais savoir s'il y avait une nuance entre l'esclavage et le travail forcé. Est-ce que le travail forcé était autorisé par les institutions internationales? Je ne sais pas si le bureau de travail existait à l'époque ou si c'était la SDN. Est-ce que le travail forcé était à l'époque autorisé par les institutions? Y a-t-il une différence entre ce travail forcé là et l'esclavage qui était pratiqué autrefois? Tu as la réponse? Eh bien, en fait, bon. Moi, à ma connaissance, le travail forcé n'a jamais été autorisé par l'OIT. Enfin, il a été condamné dès le début. Ouais. D'accord. Et le grand scandale, c'est que Blaise Diagne s'était prononcé pour le travail forcé. Ah ouais. Donc ça a fait un peu, je ne sais plus quelle année exacte, mais ça avait été condamné par l'OIT. Et bien là, ça n'arrangeait pas tellement la France, par exemple, qui s'est aussi opposée à cette régulation. Et puis pour ce que je connais de l'histoire du Cameroun, il y a eu plein de manières en fait de reformuler les choses. Par exemple, en disant il y a des prestations obligatoires. Sous la tutelle allemande, il y avait des journées de travail dues au collectif. C'est du travail forcé. Après, il y avait le travail forcé, mais il y avait la question de la prestation, les cultures obligatoires qu'on fait dans son champ. Ça masque aussi. C'est du travail forcé qu'on fait chez soi, quoi. Celui-là, c'est qu'il y a eu toute une série de nuances comme ça. Et que même après l'abolition du travail forcé, et même jusqu'à aujourd'hui, le recrutement pour des entreprises comme les plantations, il est questionnable sur le plan. C'est pour ça qu'il y a toute une série de travaux d'historiens du travail, justement, qui expliquent qu'il y a un continuum entre le travail libre et non libre et qu'on aurait tort de trop prendre pour argent comptant cette rupture qui a été mise en avant politiquement, justement, par ceux qui ont non pas aboli l'esclavage dans les. Enfin, comment dire. Je pense que. Dans un bouquin de Michel Zancarini Fournel, l'histoire populaire de la France, on voit bien toutes les luttes qui ont permis l'abolition de l'esclavage. Mais bon, à un moment donné, il y a eu une mise en avant du fait que l'esclavage était aboli, et même ça a été un argument de colonisation, en disant il faut coloniser pour interdire l'esclavage qui est pratiqué par ceux qu'on colonise. Et en fait, voilà, je pense qu'il ne faut pas trop prendre cette limite entre le travail, enfin cette délimitation entre le travail libre et non libre, mais trop tranchée, quoi. Aujourd'hui, quand on recrute dans les plantations, ce que je voulais dire, j'ai pas terminé ce que je voulais dire là-dessus, c'est que il arrive qu'on promette des taux de salaire, par exemple, un peu supérieurs à ce qu'on va trouver sur le terrain, mais on le fait à 1500 km. Donc après, une fois que les gens sont venus, ils n'ont pas été forcés. Ils ont prêté l'oreille à une promesse qui était exagérée, puis ils sont bloqués. Le temps de trouver au moins les moyens pour rentrer, mais ça peut prendre plus d'une année. Donc voilà, enfin, je veux dire, en tout cas... Puis aussi, quand on est en dette et qu'on ne peut pas bouger parce qu'on est en dette, on est un travailleur libre, mais on doit de l'argent. Donc tant qu'on n'a pas remboursé, on ne peut plus bouger. Enfin, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, il y a un continuum quoi, assez net. Quoi. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Moi, je voulais te... Je prends du coup brièvement la parole. Tu as parlé... tu as nommé des disciplines, et sans rentrer dans des querelles disciplinaires, est-ce qu'il y a quand même des enjeux importants autour de la production ou de la non-production de savoir sur le travail, sur ce continent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je constate aussi que je crois que personne ne se raccroche à l'anthropologie ici, ou très peu. Si, voilà, ok, un représentant. Mais il y a évidemment un biais, tu l'as souligné, mais c'était un peu implicite, dans le fait probablement que le travail, c'est pas un objet canonique de l'anthropologie, et que c'était plutôt dans le partage disciplinaire un objet de la sociologie, et que, comme tu l'as un peu dit, il n'y avait pas vraiment de sociologie africaine, et il n'y en a toujours pas vraiment en France en tout cas, Et que du coup, voilà, est-ce que c'est pas aussi un peu pour ça qu'il y a pas, voilà, que les anthropologues ne se sont pas vraiment intéressés à cette question en Afrique comme ailleurs, même s'il existe une petite anthropologie du travail, mais elle est assez marginale. Et tu as souligné le poids de l'histoire, en fait. C'est quand même plutôt, qu'elle soit l'histoire globale ou l'histoire sociale qui me semble être largement dominante dans la production de savoir sur le travail en Afrique. Et à côté, il y a aussi la science politique. Tu n'as pas parlé beaucoup de ta discipline, mais là aussi, semble-t-il, c'est un parent pauvre, le syndicalisme et peut-être le travail de la science politique, plus à cause probablement du poids de la sociologie du travail, même si là, on pourrait débattre des frontières très, très longtemps entre les deux. Mais il y a aussi, pour le cas français, probablement le poids de Jean-François Boyard. On ne va pas lui imputer ça à lui tout seul, mais disons que sa volonté d'orienter un peu le regard vers les modes populaires d'action politique ou l'infrapolitique et pas sur le syndicat, le parti politique ou voilà, les manières classiques qu'avait la science politique de s'intéresser aux politiques. Voilà, est-ce que ça a joué aussi probablement? Enfin voilà, est-ce que tu peux renaviguer un peu sur ces enjeux disciplinaires, même si on n'est pas manichéen, on n'est pas dans les querelles des disciplines, mais comment tu vois les choses là-dessus, quoi, sur la... Ouais, bah merci parce que tu me donnes l'occasion pour la science politique d'en parler et ça me tient pas mal à cœur effectivement. Bon, sur le côté la sociologie comme parent pauvre, c'est pour ça que je disais l'impossible tournant sociologique. Je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Ouais. Et à mon avis, ça continue à être quelque chose un petit peu qui continue à questionner. Mais pour la science politique, alors là, ça m'intéresse pas mal effectivement. La science politique dédiée à l'étude des sociétés africaines, c'est pas une discipline très ancienne. Parce que pourquoi c'est pas une discipline très ancienne, c'est une discipline qui, en tout cas dans sa formulation, bon, bah, je veux pas dire de choses trop massives, hein, mais en tout cas dans son existence comme discipline autonome, séparée du droit, quoi, et séparée de l'anthropologie. C'est depuis le début des années 90, la fin des années 80, parce que c'est une discipline qui s'est forgée beaucoup en bataille contre des régimes de disqualification de l'idée qu'on puisse faire de la science politique sur les sociétés africaines. Parce qu'en fait, les États seraient des États phallos. Ça ne serait pas intéressant, ça serait juste des États qui ont été importés de l'extérieur et qui n'auraient pas de densité, parce que les hiérarchies politiques seraient des hiérarchies pareilles, au mieux mimétiques ou en tout cas artificielles, quoi. Ou alors, option entre guillemets généreuse de ces disqualifications. Bon, ça a marché un moment, mais vous voyez bien que maintenant, les États, ils sont faillis. Donc, de ce fait, il y a des régimes de disqualification très forts qui ont existé. Et l'apport quand même de Jean-François Bayard là-dessus, c'est de dire, de rejeter un peu dos à dos des disqualifications, on va dire, je ne sais pas comment les qualifier, sans dire droite et gauche, mais des disqualifications qui disent les États africains sont phallos, n'existent pas parce que les Africains font pas de la politique au sens moderne, et des disqualifications qui disent le problème c'est pas ça, le problème c'est que les sociétés africaines sont tellement écrasées par la domination extérieure néocoloniale que du coup il n'y a pas d'espace pour des sociétés politiques. Mais mine de rien, il y a quand même dans les deux cas en fait une disqualification, quoi. Et donc Jean-François Bayard, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, avec d'autres, hein, ils ont réussi à restituer la densité d'interactions politiques, d'imaginaires politiques, notamment enfin, en forgeant toute une série de concepts qui tentent de rendre compte de l'historicité politique des sociétés africaines, de la manière dont, dans le temps long, elles ont abordé et elles se sont, y compris que les hiérarchies ont un rapport avec ça, elles ont abordé l'extérieur et elles ont développé un rapport stratégique à l'extérieur. Même si dans le temps long, il y a eu une domination, par exemple, on peut dire qu'avant la colonisation, il y avait l'esclavage, qu'avant l'échange était déjà inégal, enfin que le commerce de longue distance était déjà inégal, etc., qu'il y a un rapport stratégique à l'extérieur, et que même dans les États africains contemporains, ce rapport stratégique à l'extérieur, il s'exprime par plein de choses qui sont ensuite traduites par des catégories disqualifiantes, type la corruption, la violence, etc. En fait, l'école Jean-François Bayard, elle permet d'aborder tout ça en rendant compte de comment est-ce que c'est pris dans de la tactique, y compris dans de la polysémie, c'est-à-dire que l'extérieur est souvent dupe, tout en étant dominant, il peut être dupé par les sociétés politiques du cru, qui prennent en charge l'aide au développement, qui prennent en charge l'administration coloniale, la contournent, réussissent à faire perdurer les hiérarchies anciennes sous de nouvelles étiquettes, etc. Enfin, bon, je peux pas dire ça en peu de mots, mais ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement important. Bon, là, je prêche quand même pour le fait que ça existe. Mais du coup, ce que je cherche, moi, à démontrer à un moment donné, c'est comment est-ce que cet itinéraire de bataille contre les régimes qui ont disqualifié, enfin contre les régimes de disqualification du politique sur le continent africain, c'est aussi un itinéraire intellectuel qui a amené à mettre beaucoup l'accent sur l'appropriation de ce qui vient de l'extérieur. Et Bayard appelle ça la politique du ventre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. La politique du ventre, c'est le grand... La synthèse de Bayard s'écrit en 89. Et la politique du ventre, c'est la politique de comment est-ce qu'on mange, on s'approprie, on mange... comment est-ce que remplacer toutes ces catégories disqualifiantes comme la corruption par les stratégies d'extraversion, de rapport à l'extérieur, d'appropriation, etc. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence, à mon avis, négative, en tout cas en ce qui concerne l'étude du travail, c'est que du coup, c'est de la sociologie politique qui s'intéresse surtout à la distribution, à la consommation, et assez peu à la production. Les lieux de travail, chez Jean-François Bayard, ils ne sont pas étudiés comme des lieux où se façonneraient des rapports politiques. Ils sont étudiés au même titre que d'autres institutions. Par exemple, Bayard a dit, voilà, l'usine, la plantation, l'école missionnaire, l'hôpital sont des institutions dans lesquelles se sont forgés des types de rapports et des types de vocabulaire sur la domination. Mais le travail lui-même, il n'est pas là-dedans. Manger, c'est un acte de consommation. Et en fait, moi, je trouve que ça donne même un petit peu l'impression erronée que les sociétés africaines se sont bâties, les sociétés africaines contemporaines, sont surtout organisées politiquement autour de la distribution de richesses qui viennent de l'extérieur. Et je pense que ça, c'est une vision erronée. Et que, bon, il y a toute une série de richesses qui, au contraire, en sortent, mais qui, y compris, sont produites sur place. Moi, les plantations que j'étudie, elles mobilisent beaucoup de monde, quand même. C'est-à-dire que, il y a à peu près, je comptais 51 000, à un moment donné, au milieu des années 2010, ouvriers, ouvrières des plantations, ce qui fait 6% de l'emploi salarié formel au Cameroun, et ce qui fait quelque chose qui a un poids politique assez important. Et pas que parce que c'est les plantations. C'est-à-dire que le problème de Bayard, c'est qu'il parle des plantations en les regardant que de l'extérieur, mais aussi dans des rapports de travail, justement dans le poids que prend le salariat, dans la mise en sens d'itinéraires biographiques qui sont massifs, mais quand même particuliers au sein des classes populaires, etc. En fait, il faut réfléchir à ça, quoi. Ou alors dans la construction de l'élite aussi. C'est-à-dire que chez Bayard, on voit l'élite se construire dans la capacité à capter les rentes de l'extérieur. Et donc, en fait, on devient puissant quand on se met au guichet et qu'on joue le rôle d'interface. Bon, moi, j'ai essayé d'étudier dans ma thèse, pour un pays, hein, pour le Cameroun, comment on peut devenir puissant quand on est capable d'être quelqu'un qui arrive à faire ramener de la main-d'œuvre, à recruter ou à stabiliser, à contrôler une main-d'œuvre. Et ça, ça peut être. En fait, le problème, le truc qui est, je trouve, frappant, c'est que sur d'autres sociétés, on trouverait ça complètement banal comme idée. Mais justement, par rapport à cet itinéraire intellectuel qu'il y a dans les études politiques sur le continent africain, c'est quelque chose qui a été perdu un peu de vue, quoi, au moins étudié. Ouais. J'avais deux questions, en fait. Tu nous as fait un exposé que j'ai trouvé très clair et très riche. Au moins, si c'était clair. Ma question, c'est qu'il n'y a pas des auteurs africains. Tu n'en as cité qu'un, en fait, qui est Bob Garfal. Et Ouédraogo. Ouédraogo, oui, mais il est à l'EHESS, donc il est africain, certes, mais il travaille en France, dans une institution française. Sinon, Bob Garfal, lui, il est quand même toujours à Dakar, si je ne m'abuse. Mais... Moi, je me souviens des colloques, justement, d'histoire globale du travail. J'habitais à Johannesburg, un autre à Dakar. Il y avait beaucoup d'Africains, mais on les connaît peu ou pas. Est-ce qu'ils parlent peu ou pas, ou est-ce qu'ici, on n'a pas leur... Moi, je ne sais pas. Donc, je voulais te poser la question. Sinon, ma deuxième question, c'est sur la catégorie de chômage. Quand est-ce qu'elle apparaît dans les études sur le travail en Afrique? Parce que... le chômage dans des pays où le salariat reste de toute façon extrêmement limité, qu'est-ce que c'est, quoi? Et quand est-ce que les experts s'emparent de cette catégorie pour voilà. J'espère que c'est pas trop difficile. Si, chômage, c'est difficile. Mais, mais après, les chercheurs africains... Alors, il y a Mahmoud Mamadani, quand même, que j'ai cité aussi. Oui, et il a quand même fait toute la première partie de son travail de recherche sur la question de, justement, la classe ouvrière en Ouganda et en discutant ces catégories et tout. Mais néanmoins, ça met le doigt quand même sur quelque chose. Alors, moi, pour mon travail, mais je ne l'ai pas cité là parce que c'est très camerouniste, je suis quand même beaucoup inspiré de deux auteurs. L'un, c'est Etoga Eli, qui a été... il est président du Conseil économique et social du Cameroun au tout début de l'indépendance. Et du coup, il a fait un livre que je trouve assez fascinant, qui s'appelle « Sur les chemins du développement » et qui fait un itinéraire, enfin, une histoire économique du Cameroun depuis, y compris les premières occupations humaines, quoi, je crois que depuis le paléolithique, quoi. Et puis en fait, en avançant peu à peu, bon, c'est un homme politique, en fait, donc son agenda, c'est de montrer que le Cameroun est déterminé par son histoire et par sa géographie à faire un. Dans un contexte, aujourd'hui, il y a la crise anglophone qui est ouverte, dans un contexte voilà, où il s'agit aussi de construire un État unitaire, alors qu'avant, il y avait deux colonies, et puis qu'il y a une mosaïque de population. Enfin, c'est ce problème-là que lui, il se pose. Mais non, du coup, il documente toute une série de phénomènes, y compris en donnant des chiffres, etc. C'est assez super. Il y a un auteur qui s'appelle Léon Captué, aussi, qui a fait un livre qui s'appelle Travail et main-d'œuvre au Cameroun, et c'est pareil, mais c'est un livre aussi qui, voilà, qui, quand je disais tout à l'heure que voilà, c'est question de l'inspection du travail, l'administration coloniale, c'est de lui dont je tire ça. Et après, il faut que je complète encore ma réponse, parce qu'après, moi, je connais quelqu'un qui s'appelle Clotaire Messiménang, qui a travaillé sur les ouvriers au Gabon, les ouvriers des chantiers forestiers. Mais ouais, c'est assez, et c'est sorti en bouquin. Je ne me rappelle plus du titre du livre, mais c'est sorti en livre, Clotaire Messiménang. Mais bon, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que je pense que les enquêtes dont j'ai parlé quand j'ai dit revisite, par exemple, d'allier enquêter sur des lieux de travail, dans un pays comme le Cameroun, en tout cas, c'est très difficile. Je n'ai pas abordé ça aujourd'hui, mais bon, enquêter n'est pas facile. Et il me semble, c'est quelque chose que j'essaie de réfléchir et qui est en fait difficile à admettre, mais je crois qu'un Camerounais n'aurait pas pu faire l'enquête que j'ai fait, aurait été évincé beaucoup plus vite que je l'ai été des lieux de travail des plantations. Quelque part, il y a un privilège occidental que je porte sur moi qui m'a permis de faire cette enquête parce que moi, je pouvais me faire passer, je pouvais jouer un peu l'idiot en quelque sorte. C'est-à-dire, je pouvais venir en disant je suis l'ami de tel, j'ai juste resté quelques jours, puis après, je restais un peu plus, etc. Et j'ai pu enquêter sur les plantations. Mais j'ai vu des activistes ou des journalistes camerounais se faire évincer dès la première journée ces entreprises parce qu'ils sont tout aussi identifiés que moi comme extérieurs. Puisque en fait les entreprises sont vigilantes, voilà, ils peuvent pas ni jouer les idiots ni être un peu protégés quoi par leur nationalité. Ça, je pense quand même, c'est un truc à souligner. Et après, sur le chômage, je trouve ça difficile parce que j'en suis pas du tout spécialiste. Je pense que en fait, moi je suis pas spécialiste. Ouais, ça me questionne de savoir quel est le rapport entre cette catégorie de chômage et celle d'informel. Je crois pas non plus. Ouais. Vous avez peur des oisifs qui viendraient en ville et qui oui. travailleraient pas. Ah, Balandi revient tout le temps là-dessus. Ouais. C'est le terme qui est employé. C'est pas des chômeurs, c'est des inactifs plutôt, et des oisifs. Voilà. Ouais. Bon. Est-ce que tu vas les publier parce que ça vraiment très clair. Ce que j'ai présenté aujourd'hui, en fait, c'est une partie de mon introduction. Si je trouvais la possibilité de le publier, je serais très content. Ouais. Comme tout chercheur qui a fait un boulot. C'est vraiment très clair et très utile pour moi en tant que chercheur. Oui, parce que là, il est modeste, mais même si on a souligné le fait qu'il y avait des carences, qu'il n'y a peut-être pas un champ central des études africaines, il a quand même brassé une très grosse littérature là, sur une grosse période, et donc c'est un sacré tour de force. Et c'est pas évident de synthétiser. Un champ et voilà, des études d'un champ. Donc, merci encore beaucoup. Je crois que on peut lever la séance. Et voilà, je vous remercie.